voiture. Mais c'est pas ceux-là. Bah, j'en ai qu'un là en plus. J'ai le Graal là-haut par contre. Le Graal. Bah, trouve pas qu'il ressemble à un Graal. C'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. C'est même plutôt vrai. Et tu sais que je suis en train de me dire qu'il va peut-être quand même falloir la vider cette table. Grave. Alors en fait, depuis tout à l'heure, ça me gêne un peu. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Parce que il y a des cartons, il y a des capsules partout. Ou alors faudrait qu'on les mette ailleurs pour en souvenir, mais là. Tu crois? Ou alors on les met juste sur un bout de table. C'est comme ça, ils sont tous dans un coin. Et... Ouais, mais si on a des invités, comment ils font? Eh ben, attendez, on débarrasse. Ah oh bah non, tu sais, le truc avec le sac. Ça serait pas voilà. Non, non, mais c'est pour dire, bah bon, ok. Bon, on y va? Bah, je sais pas. Ah bon. Comme on a dit, on va tenter. On va tenter, d'accord. Eh bien, c'est le 9e épisode de cette saison 2 de Road to Hellfest. À noter que ce 9e épisode est donc celui qui précède le 10e. C'est pas faux. Et que le 10e était le nombre des... Enfin, on a fait 10 épisodes de la saison 1. Ah la vache. Donc saison 1, on arrive bientôt pour... On la rattrape. Hein. Pour te mettre une petite fessée claquenette. Voilà. oh à moins qu'on s'arrête à 10. Oh, quand tout commence... C'était quoi ce truc de poivre? Ah, ah. Et bien. Oui ah, pas, attends, faut que je... Oui, moi pareil. Ce soir, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir partager une Saint-Feulien avec mon ami Bob, car la semaine dernière, c'était mon anniversaire et il m'a offert un coffret de bière. Et je ne m'y attendais pas, ça m'a un petit peu la gêne. Un petit peu... La petite larmichette. Ouais, j'ai pleuré. Bah, on s'est pris dans les bras. Tout ça. Bah, j'ai hésité. On s'est pardonné. Et il y en avait gros. Et il y en avait gros à pardonner, laissez-moi vous le dire. Que... en tout cas, on est du coup très content d'être là, mais on a un petit peu de mal ce soir. Oui, on sent que ça va être un peu compliqué. Ouais, ouais. Juste pour, à titre d'info, on avait sorti plein de bières, on en a rangé beaucoup. Et voilà. Histoire de se dire, non. Parce qu'on a commencé un peu avant. Là. Un peu fort. C'est parce qu'il y avait une bouteille de Jack qui traînait. C'est ça. Et ça, c'était pas du tout prévu. Ouais, la Red Dog fait mal. Elle fait... Oui, c'est ça, en fait. C'est les mélanges. Ouais. C'est les mélanges. Ouais, faut pas. As-tu passé une bonne semaine, Bob? Est-ce que je pourrais dire oui? Mis à part que... Ah bah si, raconte. J'ai fait mon téléphone. Eh ben voilà, écoute, c'est une histoire magnifique. Ouais, un téléphone neuf d'il y a un mois, quand même. C'est ça. Il est ah, il est au SAV, donc on n'est pas encore trop sûr. Le pronostic vital est engagé. C'est vrai. Ouais. On peut dire qu'il est tombé dans une baignoire? Pas forcément. Est-ce que c'est un suicide? Je pense, ouais, parce que je l'ai entendu gueuler. Putain, j'en ai plein le cul! Putain, il est. Ah ouais, non, mais. Je me suis dit, putain, c'est quoi cette voix? Puis d'un seul coup, plouf. Oh, je l'ai vu passer devant moi comme ça. Est-ce que t'as eu dans, comme dans un genre de situation, une espèce de ralenti? C'est genre. Carrément. Mais en fait, c'était plutôt ma vie qui s'est arrêtée. Ouais, je me suis dit, oh putain. Et donc ça t'est arrivé ce week-end? Oui, certainement. Ouais, ouais. Parce que donc moi, professionnel, je t'ai envoyé un message avant-hier. Ouais. Et je t'ai dit, alors machin, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Oui, parce qu'il m'appelle machin dans la vie normale. Non. Pas de respect. Voilà, c'est ça. Non, mais, hey, qu'est-ce qu'on fait alors pour l'épisode de cette semaine? Et puis moi, je lui ai pas répondu. Non. Bah non, j'ai plus de téléphone. Voilà, donc je dis, oh, il est dans le moins autant. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu as réussi quand même à me contacter pour me dire, hey, j'ai plus de téléphone, je peux plus rien faire, démerde-toi. Grosso merdo. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je l'ai pris comme ça, j'ai fait, bon, bah, ok. C'est très bien. Alors que pourtant, cette semaine, on a quand même une exclue que tout le monde connaît, mais ça nous fait plaisir de la voir. Je refais l'historique parce que je vois que tu vois pas où je veux en venir. C'est juste la news qu'on a, hein, mais je voulais faire genre. Ah oui, d'accord. Donc je refais l'historique. On va faire hier, avec ça. On peut faire plus. Hier, le Hellfest a tweeté. Oui, non, si c'est vrai. Moi je l'ai vu sur Twitter, donc je le dis comme ça. Parce que le magazine Non, c'est pas ça. Quoi? Non, c'est pas sur le magazine sur les vélocipèdes là. Non, ils ont tweeté deux fois. Non, ils ont tweeté le venez voter pour le meilleur festival. Et dedans, dans le tweet, c'était marqué la fiche complète très bientôt dévoilée. Ça, ouais, c'était hier. Ouais, enfin, déjà, c'est ce qu'ils avaient mis sur la... Avant le truc. Ah merde. Il y a un moment, ça. Coming soon. Ah oui, non, mais là, c'était marqué très, très, très bientôt dévoilé. Ah, d'accord. D'accord, donc c'était pas coming soon. On est le combien, là? On est le 6 aujourd'hui? Ouais. Donc dans 7 jours, quoi. Attends, mais... Oh, mais je spoil rien du tout, j'en ai aucune idée. Ah bon, bah, ça va, j'ai eu peur. Parce que je m'étais dit, si jamais tu sais... Ah, bah, ça se trouve, il sait. Ouais, tu sais des trucs. Parce que moi, il me contacte. Parce que moi, il me répond pas. Fantôme. Il m'envoie des petits messages. Ça se trouve, t'en as plein, ouais, tu sais pas. Ben peut-être, ça se trouve. Quand je le récupérerai. D'accord. Et du coup, aujourd'hui même, ils se sont dit, allez, on les a assez fait chier, les deux mecs derrière le micro du podcast, voilà, là. Les deux cons. On va leur laisser dire des trucs. Et ils ont annoncé que le 13 décembre, l'affiche complète serait dévoilée. Ah, tu vois. Et là. Moi, j'étais pas au courant. Ah, ouais, regarde, quand j'applaudis, ça fait un bruit. Ça, c'est bon. Non, c'est le frottage. Oui, j'ai vu. Oh, oui, donc le 13 décembre. Donc, ah, c'est chiant par contre. Ouais. Tiens, je vais le mettre là. Ah, non. Ah, ça le fait aussi. Ah, bah, je vais enlever le casque. Donc, le 13... Ça change rien. C'est vrai. Alors, je l'enlève complètement. Voilà. Donc, le 13 décembre. Attends, j'ai l'impression de moins faire de la radio. Ah ouais? Ah ouais, ça change. Ah merde. Tiens, vas-y, prends le temps. T'auras l'impression de faire de la radio. Ah, d'accord. Ah, fais attention au fil, hein, il gêne. Ouais, mais ça frotte. Bah, mais oui, mais rien, non, moi, mais il faut que tu touches. Là, le réglage, il est parfait. Tu vois, regarde, t'as l'impression de faire de la radio. Ah, mais totalement. T'as vu? Donc, le 13. On va payer vos loyers. Non, je sais pas. Ah, on a pas remercié les sponsors. Ah, les sponsors. Alors, bah, cette semaine, c'est Saint-Feulien. Voilà. Ainsi que bah, toujours les Desert Rock. Bah, bien sûr. Qui nous ont toujours pas envoyé un message de remerciement alors qu'on leur fait de la pub. Ouais. Bon, en même temps, ils ont fait de la musique gratos. D'ailleurs, ouais. À ce propos, moi, je voulais vous poser une question. Comme ça, j'en parle deux secondes. Comme ça, ils seront obligés de relayer le post. Qui vient d'écouter ou pas, on s'en fout. Ouais, voilà, c'est ça. Hey, les gars, vos musiques, est-ce qu'on peut les utiliser dans le podcast? Genre en fond ou pas? Je sais pas encore comment, mais est-ce que vous nous autorisez à les utiliser? On va trouver. Voilà, on vous demande, avant de le faire, si vous continuez de liker sans répondre, on le fera quand même. Voilà. Voilà, donc j'en reviens à mes moutons, parce que j'élève des moutons. Oui, je sais. J'ai une bergerie. En fait, ça me gêne. Ah, tu vois? Non, parce que moi, je suis pas habitué du tout à avoir ce à faire de la radio. À bah, faire de la radio, je suis pas un homme de la radio. T'es pas un mec de la radio? Ah non, moi, je suis plutôt un mec de pas la radio. De pas la radio, ça arrive, ouais. Donc, le 13 décembre, donc dans une semaine pile poil, j'ai regardé, ça tombe mercredi. D'accord. Nous aurons la fiche complète pour le 10e épisode. Mais si! Ça veut dire que. Ça veut dire? Oui! Oh putain! C'est ça que ça veut dire! Est-ce que c'est pas trop dingo? Donc attends, la semaine prochaine, on mercredi. Sera plutôt sur les coups de 18h, c'est ça? On est plus sur les coups de 18h, ouais. Ouais, donc ils vont peut-être l'annoncer vers 19h30. Ah, on aurait peut-être dû fermer nos mouilles. Non, je pense qu'ils vont l'annoncer vers 13h. 13h13. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, donc, pour l'instant, on a eu donc aucun élément. Mais attends, on va voir. Hein? On va voir. Donc on le fait à 18h la semaine prochaine, c'est ça? Ouais, à 18h, donc si vous l'annoncez après 18h, vous nous aurez bien niqué, voilà. Et là on aura strictement rien à dire parce qu'on va rien préparer. Alors est-ce qu'on va attendre l'affiche? Ah bah c'est clair. Comme de gland. Donc du coup, bah, on peut potentiellement donc penser que la seule chose qu'ils ont... décidé de faire depuis le début, c'est vraiment de respecter le chiffre 13 à tous les niveaux. Donc le 13 novembre, ils ont commencé à annoncer les groupes. Le 13 décembre, ils finissent d'annoncer totalement l'affiche. Ce qui est un petit peu, donc quand même, presque avec un mois de retard comparé aux années précédentes, je dirais. Enfin, une bonne quinzaine. Oui. Après, est-ce qu'on peut voilà, dire aussi du retard que... ou pas? Ouais, non, mais est-ce qu'on peut dire, bah, quand même, ils ont tenu leur truc. Donc, ouais, non, mais voilà. Derrière, c'est, mais, voilà. Oui, non, mais voilà. C'est, on peut, en tout cas, on peut en arriver à cette conclusion-là qu'ils ont vraiment, ils jouent tout sur le chiffre 13. Ouais. Très bien. Non, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais au moins, on en sait un peu plus. Et c'est cool, pour une fois, d'avoir une date. Mais je pense que s'ils avaient directement dit, tu sais, genre le 13 novembre, il dit, voilà, 13 groupes, 13 novembre. Et le 13 décembre, l'affiche complète. Je pense que ça aurait peut-être été... Ouais, voilà. Tu vois, le fait que qu'on sache, soit, en fait. Qu'on soit, oui, voilà. Voilà, alors que si c'était... Que nous sachions. Donc voilà, donc... ça fait beaucoup de fois que je dis donc voilà. je m'en rends compte. Oui. Tu veux que j'équilibre un peu? Vas-y. Donc voilà. Eh, hey, sympa. Il est toujours là. Quand bah, bien sûr. J'ai besoin d'équilibrage. Mmh. Donc on va... Ah, j'ai redit donc. Alors, pour cet épisode, nous avons récupéré quelques news à droite du gauche. Normalement, il n'y a pas du tout de quoi tenir une heure, mais on va voir. Ouais. Donc, je commence dans le désordre ou tu as des choses à dire, toi ou... Bah après, je sais pas, est-ce qu'on en parle ou pas de ce qui s'est passé aujourd'hui? Non? Ah, t'es peut-être pas au courant? Bah écoute... Non, tu sais pas? T'as pas écouté les infos, t'as pas... Ah, ça ah, ouais. Bah si, plus tard, bah, dans le... par rapport... Ah oui, d'accord. Bah justement, comme on n'en a pas parlé des autres, on va peut-être pouvoir en parler de ça, comme je t'ai dit, en fait, par rapport à ta... Ouais, bien sûr. Tu vois, le... Pas du tout, mais vas-y, c'est pas grave. Très, très bien. Y a pas de souci. Alors, très important, fin de semaine, je crois, il y a le Nantes Metal Fest... Fin de semaine. Ouais, ouais, je crois. C'est pour ça qu'on a complètement merdé. C'est pour ça que j'avais partagé sur la page en disant qu'on avait oublié d'en parler. Ouais, ouais. C'est le 8 décembre. Ouais. Donc, c'est après-demain. Donc, je sais même pas comment c'est passé au-delà de nos radars. Ben ouais, certainement. Parce que, oui, on tient à le rappeler, nous, on n'est pas professionnels. Hein. Oh, bah, je pense qu'il n'y a pas besoin de le rappeler. On a expliqué dans certains podcasts que... On a une vie à côté. Et voilà. C'est compliqué. Et donc, du coup, un festival de métal à Nantes, je trouve ça très très cool, qui se passe le vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 au Ferrailleur. Salle. Le Ferrailleur. Très très réputé. Avec comme groupe annoncé l'Esprit du Clan, Psych Up, Misanthrope, Committee, Flayed, The Gravity, Stinky, ouais, No One, Pictured, In Other Climb, Nothing But Echoes, Furies, Sinister Days, Ipscore et High Gain. Bon, bien sûr, les noms de groupes que j'ai écorchés, eh ben, tant pis pour vous. Voilà. Qu'à avoir des polices où on peut lire. Après, à côté de ça, c'est vraiment, vraiment cool, ouais, de faire ça. L'ouverture des portes sera à 18h30 les 3 soirs et le début des concerts à 19h. Ah, sauf le dimanche, ouverture 18h et début des concerts à 18h30. Le pass 3 jours est à 30€ et le pass la journée est à 12€. On aurait adoré venir en parler, enfin venir faire un retour là-dessus. Mmh. Malheureusement, comme on a un peu loupé le coche, on va pas trop vous en vouloir de pas nous inviter. Voilà. Ah, mais je leur en veux pas. Non, non, mais moi non plus. Ah, franchement, pas du tout. Tu vois ? Ah, non, non, mais je non, pense non, que c'est non, important de. On est. Ah, oui, on est. Non, cœur à l'œuvre. Mette un homme à l'ouvrage. En tout cas, voilà. À Nantes, Metal Fest, ce week-end. Mais j'aime bien l'idée du festival en plein hiver. Je trouve ça plutôt cool. Enfin, en plein hiver, voilà quoi. En période. Estivale ? Froide. En contre-période estivale. Ouais, voilà. C'est voilà. Ça. Non, mais en tout cas, ce qui est vraiment bien, c'est que l'affiche a l'air très varié et que du coup je pense que ça représente plutôt assez bien l'esprit métal et l'esprit festival, en tout cas. Bien sûr, tout à fait. Putain, il y a un truc que je voulais faire cette semaine et que j'ai oublié. Prendre un bain. Non, c'est pas ça. Ah oui, merde, c'est moi. Hey. Oh, ça va. Ça, c'est correct. Oh, bah oui, c'est correct. Non, il y avait une émission qui parlait du Hellfest sur France Inter, je crois, et je voulais l'écouter. Non. Si. Une espèce de table ronde. Ah ouais. Ouais. Carrément. Bah du coup, j'ai essayé de la retrouver. Attends, je le marque pour l'épisode. Avec Sir Arthur. Galahad. Je marque. Hein. Alors, tu meubles ? T'es prêt ? Ah non, parce que là, tu bois, donc tu meubles pas. T'es prêt ? Ouais, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas être partout. Excusez-moi, monsieur, d'avoir que deux mains, trois bras. Si tu savais t'en servir encore. Table ronde. Oh, oh. Tu me détends. Alors, bon, il faut que je meuble. Oui. Ouais, tu m'as acheté une carte. Bah ouais, je t'ai acheté une carte. Ça fait 4 size. Signe, 4 size. Ah bah non, j'ai déjà fait celle-là. Bah, tu vois, je t'ai dit que t'as mal remis. Oh, et dis donc. Ah bah non, ça c'est trop compliqué. Le déno. Ah bah non, je l'ai déjà fait aussi celle-là. Putain, mais sérieux. Ah non, mais t'as du mal. Hein. Bah le Diplodocus. Tout le monde connaît le Diplodocus. Oui. C'était pas Denver d'ailleurs. Non. Si. Ouais, non, en plus, c'était le dernier des dinosaures. Ah ouais. Ah mais c'était notre ami. Et bien plus encore. Et il jouait de la guitare. En plus. C'est un métalleux. Carrément. Avec lunettes de soleil et tout ce qu'il avait. Exact. Et ses potes, ils faisaient du skate. En plus, quoi. Ouais, ouais. Donc tu vois, ça mélange le métal et le punk californien. Du coup, n'en parle pas. On le garde pour plus tard. Comme tu ça, crois? T'as donné envie aux gens. Ouais, carrément. Ouais. Donc, en plus, il y a pas mal à lire. Hein. Oh. Hier soir, avant-hier soir, en région parisienne, il y avait le concert de Five Finger Death Punch ainsi que d'In Flame et de She's White Sleeps que nous avons vu au Fest cette année. Oui. Trois groupes qui étaient au Fest d'ailleurs. Les trois étaient... Tiens, comme par hasard. Crois-tu pas qu'il y aurait une espèce de... Eh ben, moi, je pense qu'à mon avis, il y a une corrélation. Et tu vois, 3, ça fait un triangle. Oh putain. C'est vrai, en plus. Tu regardes avec tes yeux, ça fait un yeux. Ça pue, tout ça. Pas là. Non, pas du tout. Non, je suis désolé, je suis fatigué. Oui, je vois ça, mais c'est pas grave. Non, elle était drôle, parce que j'imaginais un œil dans le triangle, ça faisait des Illuminati. Eh, mais carrément, oui, j'avais pas pensé à ça. Mais parce que tu vois pas au-delà des lumières. Au-delà des frontières. Au-delà du soleil. Oh putain. ce qui est bien, c'est que tu vas au moins. Ouais, ouais. Ça veut dire, non, mais je ne sais pas où. Voilà, mais tu tentes. Oui, donc, tout ça pour dire que j'ai un ami qui était à ce concert. Ah. Ouais, ouais. Qui sera d'ailleurs au Hellfest cette année avec nous. Enfin, l'année prochaine avec nous. Eh bien, tant mieux. Plus on est de fous, moins il y a de riz. C'est ça. Et moi, le riz, j'aime bien ça. Ah oui, donc en fait, il faudrait qu'on soit moins nombreux. Ah merde. Pour qu'il y ait plus de riz. Ou qu'on... Ouais, bah oui. Et en fait, la seule raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que... Bah déjà, c'était le retour du chanteur... parce qu'au Hellfest, c'était pas abandonné. Lui qui assurait le... son rôle. Il avait été parti un petit peu en dépression, il était un petit peu fatigué, tout ça. Oh ouais. Et surtout, en fait, c'était sur les mesures de sécurité. Mon pote m'a raconté qu'il s'est fait fouiller 4 fois. Pour arriver vraiment jusque... D'accord. Ouais. Ouais, bah, au moins, comme ça, t'es sûr de ne pas arriver avec... Parce qu'il y, a déjà un, il y avait un concert il y a, bah, après les attentats du Bataclan. Donc, en janvier, Five Finger Death Punch devait venir. Le concert avait été annulé à cause de menaces, apparemment. Ouais. Et donc, du coup, bah, là, ils ont dû redoubler d'efforts. Même si aujourd'hui, c'est de plus en plus rare quand même qu'il n'y ait pas de gros contrôle. Moi, je me souviens que pour Metallica, il y avait déjà énormément de contrôle et qu'en plus, tu pouvais pas rentrer avec un sac à dos. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui arrivaient avec un sac à dos et les videurs, les gens de sécurité disaient non, c'est dans la poubelle, vous le laissez là, mais vous rentrez pas avec. Wow. Ouais, ouais. Tu pouvais juste mettre ta veste au vestiaire, mais pour le reste, tu pouvais pas. Et là, en gros, il a dû faire pareil, il a dû mettre ses affaires au vestiaire et il a perdu 3 quarts d'heure pour faire la queue et du coup, il a loupé le premier groupe. Sinon, il a dit qu'In Flames c'était top et que sauf le public qui était pas très réceptif. Five Finger Death Punch, il a adoré. Voilà. Donc. C'était juste pour en parler un petit peu. Et, oui, et faire écho aussi que Five Finger Death Punch vient de sortir leur premier best-of qui revient sur les 10 ans de carrière du groupe avec donc 2 inédits, le single dont j'avais parlé il y a quelques podcasts et une reprise. Et c'est surtout ça qui m'a le plus surpris, une reprise de la chanson Gone Away de Offspring. Ouais, ouais, ouais. J'ai été assez... Je crois voir laquelle, ouais. C'est assez surprenant. Ouais, c'est très surprenant. Mais, bah, elle apporte pas grand-chose. Autant l'inédit est bien, autant la reprise n'apporte pas grand-chose. En général, les reprises, c'est pas... C'est tout à fait le cas. C'est pas tip-top. On a aussi les... Comme nous avons eu la chance d'aller à Arras cette année. C'est vrai. Pour le Main Square, parce qu'on est un petit peu des médias, un peu. Ah bah un peu quand même. Ouais, un peu. Maintenant, je veux dire, on peut prétendre quand même à ce niveau. De... Je pense qu'à partir du moment où on peut remplir un podcast d'une heure avec du rien... Et c'est qu'on a quand même un certain talent. C'est un talent. On peut le dire. On peut le dire. Et en plus, bah, on a quand même pas mal d'écoute, en termes de capacité... Enfin, de... Comment on appelle ça? De production. Il y a beaucoup de matériel. On a beaucoup de matériel à écouter. Ouais. Je veux dire, le mec qui arrive maintenant... Bam! Ah bah il a de quoi se faire des petites soirées d'hiver longues au premier du feu. Mais du coup, avec sa dulcinée. J'ai eu un retour sur le podcast, je te l'ai dit, faut que j'en parle. Dis-moi. Alors la semaine dernière, quelqu'un, j'ai parlé à quelqu'un du podcast, donc au bout de 2 saisons seulement, c'est amusant. Et cette personne m'a dit, ah bah écoute, je veux bien écouter. Je suis curieuse, parce que c'est une personne. Sexe féminin. Et donc, je lui ai donné le lien, elle a été écoutée, et elle m'a dit, j'ai écouté et j'ai aimé. J'ai commencé par le premier, et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Ceux qui prévoient d'y aller, ceux qui connaissent déjà, et ceux comme moi qui s'intéressent et n'iront jamais. Bravo, avec 3 points d'exclamation. Donc si jamais tu écoutes, maman, je voulais te dire merci. Et j'espère que tu continueras d'apprécier les autres épisodes. Elle m'a dit, je vais m'en faire un par jour. Voilà. Par semaine, déjà, ce serait déjà pas mal. Hein. Mais par semaine, elle va jamais rattraper la cadence. Alors, écoute, la maman de Lolo. S'en fout, toi, s'en fout. On se dévoile. Laurence. Parce que oui, il a un prénom féminin. Regarde dans le carotte. Fiche... Hey, bravo, ah, c'est immatable, c'est dégueulasse. Ah, vas-y. Là, on s'en... Donc, écoute, Laurence. Laurence. Merci, c'est gentil. Voilà. Non, mais voilà, le gros peu c'est donc que ma mère, ça l'intéresse, mais elle n'ira pas. Au Hellfest ? Oui. Ah, bah oui, bien sûr. Oui, elle n'ira pas non plus au podcast. Hein, Bah, ça dépend. Parce que... bon, pff, non, non, nettoie bah... pas les tables. Ah, elle pourrait. Ah, je pense que ouais. j'ai rangé un peu. Oh, bah, c'est sale. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous sommes un média. Nous avons été à Arras. Et maintenant, nous sommes dans les petits mails de Arras. Parce que les petits papiers sont un petit peu. Bah oui, parce que maintenant, on n'envoie plus de lettres. C'est ça. Enfin, des lettres. Des courriers. Donc, on se perd. On se perd, on se perd. Donc, le Main Square a sorti 14 nouveaux noms. Ah, quand même. Ouais, suite à l'annonce de Depeche Mode et de Queen of the Stone Age. Pardon. C'est pas comme ça qu'on dit ? Si, si, non, mais c'est Et aussi, marrant. T'as. Et aussi, le troisième nom, Orelsan. C'est ça ! Ouais, c'est quoi, ça ? C'est de la blague. Donc, en plus, donc, je suppose que Queen of the Stone Age est la tête d'affiche. J'arrive pas à dire ça, que ça te fait rire. Non, ouais. C'est pour... non, mais ça tu fait penser à... Non, non, ça me fait penser au... T'as quelque chose ? Au thé dans Planétarium. Mais c'est... je souffre d'une grave maladie qui m'empêche de dire le thé dans Planétarium. C'est bon, ça, non, ça... Mais j'avais pas de thé, là. Non, mais c'est... Bah, parce j'ai que Queen of the Stone Age, moi, c'est pour ça. Ah, parce que tu le dis en un coup ? Ouais. Oh, mais moi, j'essayais de prononcer ainsi. The Queen of the Stone Age. Non, ouais, j'arrive pas à le dire. Bah, d'accord, très bien. Eh ben, je suppose qu'en tout cas, c'est eux, la tête d'affiche du vendredi. Ouais, je pense, ouais. Depeche Mode, celle du samedi, et Orelsan, celle du dimanche. Ah, quand même, hein. Oui. Oui, donc ça doit être quelqu'un d'important. Oui, les deux camps. Il est deux camps ? Oui. Ah ouais, c'est un canet. Ah oui, oui. Ah, d'accord. Tu sais pas ? Ah bah non, pas du tout. Ah bah pourtant, si, si. Je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était une marque, moi, de... Non, non, non. De tronçonneuse ou un truc comme ça. Orelsan pour découper vos arbres. Bah ouais. Pour votre petit bois, n'oubliez pas Orelsan. Prenez une tronçonneuse Orelsan. Bah, et... Oh, dis donc, ma pelouse est haute. Tu as vu ma nouvelle tondeuse Orelsan? Ça marche, putain. Bah oui, ça marche. Grave. Est-ce que tu as le coupe. Le taille-vée Orelsan. Bien sûr, j'ai le taille-vée. J'ai la totale. J'ai le thermique et j'ai le filaire. Oh putain. Bien sûr. Les... Bah. Oh merde. Écoute, ah non, mais j'ai la totale. Bah écoute, bah, Orelsan, si t'écoutes, n'hésite pas à te lancer là-dedans parce que. Bah ça marche, hein. Ah ouais. Moi je pensais que t'étais le dentu. Ça existe pas, ça. C'est un réparateur. Non. J'ai une marque aussi. Mais non, ah c'est bon un réparateur. Oh, j'y connais rien. C'est bref. Style à l'arrière. C'est style. Style de dentu. Y'a pas de dentu. Hey, on va tenir une heure et demie quand même, hein, je pense. Large. Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi. Calme alors, tes ardeurs. Dans les 14 nouveaux noms. On a essayé donne-moi de trouver une duvel, tiens. Ouais, on est parti. On a essayé de trouver les groupes les plus métalleux. Certains sont cachés. Serez-vous les reconnaître ? Donc il y a il y a Bébé Brune. Où est Charlie ? Nekfeu, Feder, Oscar and the Wolf, Girls in Hawaii, Paul Kalkbrenner, Gojira, ah ah, Portugal de Van. Petit indice. I Am, c'est glissé. The Blaze, Liam Gallagher, The Breeders, Loïc Noté et Wolf Alice. Voilà. Voilà. Donc, en dehors de The Breeders, parce que je me demande s'ils font encore des trucs, mais pourquoi pas. Et Gojira, bah, parce que voilà. Bah, je pense pas aller au Square cette année, moi. Hein. Bah, moi, je veux bien y aller si. Ah bon vous payez... Ah, tu veux bien y retourner ? Non, non, non, je déconne. Cher les péages. Quoi. Bah, c'est un peu cher les péages, ouais. Puis il y a long, hein. Ouais, quand même. Ouais. Donc, en tout cas, on continue de suivre l'actu du festival parce qu'après tout, ils nous ont. C'est le premier festival à nous avoir laissé une chance en tant que, qu'accrédité. Donc, voilà, nous, on n'oublie pas. Ça, c'est donc, clair. Les gars, même si l'affiche, elle nous plaît pas, bah, on est avec vous jusqu'au bout. Festival de cœur. Festival de cœur. Okay. Après le Hellfest, hein, bien sûr. Sûr. Non, mais vous savez bien, c'est pas pareil. En plus, vous êtes un peu Live Nation, donc on est un peu. Ouais, voilà. C'est ça. Nous, on a peur. On craint pour nos vies. Moi, j'ai été suivi toute la semaine. Hein. Ah, toi, ah, bah, là, tu vois, c'est marrant, ils m'ont suivi la semaine dernière. Oh là là là. Maintenant, c'est à ton tour. Oh, j'ai j'espère qu'ils n'ont pas interrogé Joe. Ah, bah, j'espère aussi. Putain la vache. Joe qui devrait ne pas tarder à venir, hein, quand ah, même. Hein. Ouais. Normalement, c'était quand l'affiche serait dévoilée. Donc, Je ne dis ça, je ne dis rien, mais la semaine prochaine, l'affiche est dévoilée. Voilà. Voilà. 18h. Pour nous. Hein. Enfin, dévoilée avant. Parce que, oui, non, mais bien sûr. Je continue de balancer les news, vu que tu n'as pas trop de... Oh, mais moi, non, je suis invité, moi, ce soir. Ouais, sympa. C'est quoi ton actu? Mais j'ai pas d'actu, je suis invité, moi. Bah, oui, mais en général, les invités sont là pour parler de leur actu. Ouais, bah alors... Est-ce que t'as un groupe de musique? Oui. Ah, qui s'appelle? Je... Daron et les chaises. Non, c'est déjà non, fait, non, ça. C'est déjà fait. Bien. Les parpaings. Non. Non, c'est non plus. Non, c'était pas les pathétiques. Ah, the les pathétiques. Pathétique. The pathétique. Hein? Ouais. Mais pathétique écrit en français. Ouais. Il y a quelque chose à écouter? Est-ce que t'as un SoundCloud? Est-ce que t'as un Spotify? La vache, tu me parles bizarrement. Non, j'ai pas de tout ça pour l'instant, oh, parce que je suis un peu plus garage. Moi, tu vois, on fait de la répète dans les garages, tout ça pour l'instant. On fait des petits concerts à droite à gauche. Ah, cool! Ouais, avec des potes. Cool, stylé. Ouais, donc on est à peu près 25 dans le groupe. Bah écoute, ça prend un peu de place quoi, dans le garage. Ça me fait plaisir de te recevoir ici. Bah bien sûr, bah, ça me fait plaisir d'être là. Est-ce que du coup, tu veux nous parler un peu de ton expérience avec le Hellfest ou... Bah ouais, pourquoi pas. Bah moi en fait, j'ai jamais été au Hellfest. Cool. Du coup, puis je pense ne jamais y aller. Parce que c'est un festival de merde. Un peu de sérieux, s'il te plaît, Bob. Mais ouais, des gens nous écoutent. Sûr. Oui. Quelques... Désolé. Non, en fait, on s'égare un petit peu. Ouais, ouais, mais on est fatigué. Hein. Bah, c'est la fin de l'année. Vous savez qu'il fait nuit à 5 heures maintenant. Ouais. Hein, donc, c'est parce pas que, facile. On vous parle depuis l'Islande. Tellement loin. La connexion est bonne. Oh. Tu t'es perdu, là. Pas grave. Alors, si. Après, j'ai quelques news qui n'ont... Enfin, si. Pas dire qu'ils n'ont aucun intérêt, mais en fait, encore une fois, on pioche les news comme elles viennent et comme elles nous intéressent. Donc, si parmi les gens qui... Tiens, je pensais à ça d'ailleurs. Si parmi les gens qui écoutent, il y a des gens qui sont plus black metal, grindcore ou death metal et qui voudraient qu'on soit plus aussi axé là-dessus, faut nous le dire, parce que nous, on ne va pas y aller nous-mêmes, forcément. Moi, je veux bien donner des news de groupes que je ne connais pas forcément, mais il faut me donner une raison un peu plus. Voilà. Donc, les principales news, en fait, sont celles qui nous arrivent à nous. Via ce qu'on écoute et ce qu'on suit un peu. En l'occurrence, j'ai parlé il y a 2-3 podcasts de Saxon qui avait sorti une compilation, un double album des 10 premières années de leur carrière. Donc, c'est bien, c'est large, Saxon. Oui, cela, oui. Puis en plus, en fait, j'essaie d'accentuer mes news soit par rapport aux concerts qu'on va voir, soit par rapport aux groupes qui sont passés au Hellfest récemment. Tout à fait. Saxon, c'est dedans. Un groupe de vieux, donc ça peut toucher les vieux aussi. C'est ça. Du coup. Et donc moi, je n'avais pas réussi à trouver le double album sur le live, enfin sur Internet, donc sur Spotify pour faire un retour dessus. Par contre, ils ont sorti un nouveau clip et un nouveau single pour un album qui va sortir début 2018, le 2 février pour être précis. Album qui s'appelle Thunderbolt et le single s'appelle aussi Thunderbolt. Je t'ai fait écouter tout à l'heure, Bob, et franchement, moi, je trouve qu'il est bien produit. C'est propre. C'est très propre malgré l'âge. Musicalement, voilà. Après, il faut aimer le style du groupe, mais c'est dans... Ouais, c'est la voix qui vient toujours tout... Le style de chant, je pense, plus que la voix. Ouais. Ça rappelle quand même pas mal Iron Maiden, je trouve, à partir du moment où il chante. Avant, ça va... Ouais, j'aime bien. Je trouve que musicalement, tu vois, ça a une bonne énergie. Grave, grave. Mais derrière, voilà, chaque fois, ça... Ah, j'y arrive pas, quoi. Moi, je passe outre. Mais en même temps, tu n'aimes pas Iron Maiden non plus. Non. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'arrive pas à accrocher le truc. C'est la même chose. En fait, donc du coup, on peut dire un peu que t'aimes. Ouais, mais tu vois, par exemple, j'aime pas la langue de bœuf, mais j'en mange quand même. Ah ouais, ouais. Avec une bonne sauce. Bah, et un peu de riz. Cornichon. Un peu de riz, ça passe. Ça va, ouais. Et du coup, donc cet album parlera des dieux grecs de la mythologie. Il y aura une chanson qui sera dédicacée à Lemmy Kilmister. Ah oui. They play rock and roll. À Zeus. Zeus, si tu le regardes. Enfin, bref, voilà. Donc, très bon premier single. Un album, moi, que sans être fan de Saxon, j'attends assez parce que je voudrais voir justement la chanson Hommage. Et puis, parce que ce groupe, pour l'avoir vu au Download, m'avait déjà hyper impressionné. Parce que je m'attendais en fait à voir un groupe de vieux. De vieux croulants. Parce que c'est j'ai pas envie de dire que c'est un second couteau. Parce qu'ils ont quand même la carrière qui peut faire rêver beaucoup de groupes depuis le temps qu'ils sont là. Bébé Brune, par exemple. Mais ils sont un peu moins populaires que. Ils sont pas dans les têtes d'affiche et tout, ils sont toujours un peu en dessous, je trouve. Et pourtant, ils ont une putain de patate. Ouais, mais quand même, tu parles de Saxon. Ah bah voilà, tu... Ça reste un groupe quand même que... Enfin, ça reste un nom connu quand même. Quoi. Oui, mais qui est un tout petit peu plus effacé maintenant. Bien sûr. Je trouve. Autre news, donc une chanson de... enregistrée par Lemmy à, comment on appelle ça, Popé. Donc ça fait déjà 2 ans que Lemmy est parti. Dieu nous a quittés. Que Dieu nous a quittés, que nous sommes sans repère dans ce monde. Bah, moi je suis complètement perdu. T'en es arrivé à boire. Le matin, de... je me paye les murs. Ah ouais. Je suis tombé plusieurs fois dans les escaliers. Ah merde. Est-ce que tu crois pas que c'est aussi un peu à cause de la bière? Ah tu crois? Bah je... ça peut être lié. Est-ce que t'avais bu avant? Bah oui. Oh, c'est... Ouais, c'est ça. Du coup... Ah mais on me dit rien aussi. Mais oui, mais bah, ça doit être marqué dessus. Hein. Non, c'est interdit aux femmes enceintes. Ah bah, bah je suis pas enceinte. Désolé de te l'apprendre, mais... Sérieux? C'est ça alors, les coups de pied que je sens? Putain. J'ai envie de... Je, tu vois, c'est rare, mais là j'ai envie de couper cette partie du podcast. Eh bien, tant pis, non, j'assume ces blagues tout pourri. Me, donc, 6 mois avant sa mort... Lemmy a collaboré avec un musicien et producteur Chris DeClair et sur la chanson We Are The One. Et donc c'est le titre qui deviendra son dernier enregistrement solo. Donc il a chanté cette chanson et je ne sais pas s'il a joué de la basse dessus, mais je pense que oui quand même. Et le titre est très très sympa. Je te l'ai fait écouter tout à l'heure, il est bien dans l'esprit. Et je trouve que d'avoir attendu 2 ans, c'est assez, bah, c'est assez cool en fait. Ça... De la part de Lemmy. Oui. Voilà. Et surtout, en fait, de ne pas avoir voulu surfer... bah... Oui, sur la vague, après le décès, machin. Tout voilà, tout ça. Et d'ailleurs, c'est un peu un sujet que... Est-ce que je le balance maintenant? Bon, je le balance pas maintenant. Je vais le balancer un peu après. On garde le meilleur pour la fin, c'est ça. Espérons. Machine Head a sorti aussi une vidéo pour le titre No We Die, une vidéo live. Parce qu'en fait, dans la version deluxe de l'album Catharsis qui va sortir donc, en janvier... Il y aura un DVD live avec donc un concert du groupe et ils ont décidé de sortir en single pour montrer la qualité du live. Alors si c'est vraiment le son du live, c'est quasi copie d'un disque, hein, vraiment parfait quoi. Ouais. Ah ouais, très très propre, très nickel, très bonne image, très agréable. Et le prochain single du groupe sortira le 8 décembre, à savoir après-demain. Qui est aussi le même jour que le Nantes Metal Fest. Ouais, je pense qu'à mon avis, tout ça, c'est pareil. Tu crois que tout est lié? Tout est lié. Oh, c'est moche, quand même. Dernière grosse news, qui n'en est pas vraiment une, mais qui m'a fait plus délirer. Le chanteur de Trivium, qui est aussi donc, joueur de jeux vidéo sponsorisé à sa chaîne Twitch, sur lequel il joue à Overwatch, PUBG et d'autres jeux qu'il aime bien streamer. Et en fait, du coup, bah, il a commencé à streamer des concerts. Donc, c'est-à-dire que tu vois le concert en direct, mais de sa chaîne Twitch. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est d'un point de vue que tu vois jamais. En l'occurrence, j'en ai regardé un. C'est du mec de son ingé son. Donc, tu le vois en train de régler les micros, tout, mais tu sais, en vue subjective. Donc, et tu vois tout le concert des coulisses où lui, ouais, il voit accès à la scène et tout ça, avec une qualité d'image mi-parfaite, mi-dégueulasse, avec des gros carrés verts, quand la connexion se perd. D'accord. Parce que c'est en direct, donc. Ouais, bah ouais. Mais alors, bon, d'un côté, je trouvais ça très cool, et en même temps amusant, mais voilà. Donc, tu peux toujours essayer d'apprécier ou voir la setlist. Voilà, ouais. C'est... Je trouvais ça très... Une expérience différente. Tout à fait. Voilà, j'ai fait le tour. Ah si, alors il y avait 2 affiches dont on voulait parler. Toi, tu m'as sorti le Desert Fest, c'est ça? Ouais. Alors, est-ce que je lis pour toi les groupes? Bah ouais, du coup. Alors, ça se passe à Londres du 4 au 6 mai, donc 2018, je suppute. Tu supputes bien. Très très bien. Avec Monster Magnet, Hide on Fire. Graveyard, Napalm Death, Hated God, tes amis, Nebula, We Desert, The Obsessed, Aider, Church of Misery Warning et beaucoup d'autres groupes. Napalm Death, ça m'étonnerait. Bah si, Napalm Death. Hein. Ah ouais. Bah écoute, N-A-P-A-L-M, D-E-A-T-H. Ouais. Allez, d'accord, enfin, Desert Fest. Bah ouais. Ça aurait dû me sauter à l'œil, ça. Parce que le Desert Fest, c'est quoi? Moi, je ne connais c'est pas. C'est plus au stoner. Ah ouais? Bah écoute, il n'y a pas de racisme là-bas. Non, non, bah tant mieux. Ça se trouve, le dernier album de Napalm Death, c'est du stoner. Hein. C'est vrai, peut-être. Et autre affiche qui a été dévoilée en grande partie, le... En grande pompe. La première, Alcatraz. Le Alcatraz. Avec Crisis, Grustmi, Grustmi, mais non, mais pas trop vite. Bon, ouais, non, mais tu qu'est-ce que tu t'en vas lire ça? Ah, d'accord. Ah, oui, d'accord. Tu gardes le meilleur pour la fin, c'est pour ça. Ah, bah oui, je remonte en fait. Ouais, bon, bah alors, Fozzy, Nails, Primordial, Hogan, Orden, Municipal West, dont j'ai parlé la semaine dernière, Mr. Big, Battle Beast, Ross the Boss, Alceste, et t'es Fancy, Napalm Death, Sepultura, Ministry, Satyricon, dont j'ai parlé la semaine dernière aussi, Behemoth et Statu Quo. Je me demande si un Google, tu sais, sur Google, tu peux faire lire le nom des trucs. Je me demande si je devrais pas faire lire certains. Ouais. Bah, pour savoir comment ça se prononce, parce que des fois je dis un peu de la merde. Voilà, donc encore une fois, une affiche dévoilée assez en avance comparée au festival. Mais bon. C'est une petite affiche pour l'instant. En plus, bah, c'est les premiers noms, quoi. Bah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, c'est quand même. Oh, dis donc! Non, mais je veux pas toujours revenir là-dessus. Mais t'as raison. Je veux pas toujours revenir là-dessus. Très bien. Quoi est-ce donc qu'on disait? Ah, si! Ah! J'avais dit que j'écouterais deux albums. Je l'ai fait. Je t'ai encouragé à le faire. Je l'ai fait. Tu l'as fait aussi. Donc, déjà, je te remercie pour ça. Il n'y a pas de quoi. Très, très bien. Tu veux qu'on s'applaudisse? Non, ça va aller. Alors. Les filles. Je vais commencer. Non plus. Arrêtez, les filles. Je vais commencer. Donc, on parle des deux derniers albums de Queen of the Stone Age. Ça va, là? Ça allait? Non, ça te fait toujours autant rire. Ça m'a fait. Je sais pas. J'y arriverai pas. Bon, oui, bah, c'est pas grave. Donc, moi, personnellement, je vais revenir un petit peu sur ce que j'avais dit. J'ai plutôt aimé les deux albums, en fait. Enfin, j'ai trouvé que ça correspondait bien au style du groupe. À savoir que, quand même, le dernier vilain, vers la moitié de l'album, je décroche un peu. J'ai moins. Autant au début, je suis encore un peu dedans, même s'il y a quelques longueurs et tout, mais je trouve qu'il est assez rythmé, ça groove pas mal. Et il y a juste un moment donné, vers, je sais plus, il y a 9 titres pourtant, mais vers la 4 ou 5, vers la 5e, je dirais, je commence un peu à décrocher, donc ça m'a un peu moins emballé. Par contre, j'ai préféré l'avant-dernier, donc Like Clockwork, que lui, j'ai bien aimé de bout en bout. Les 10 titres m'ont bien plu et je trouve donc que ce sont deux bons albums, mais voilà. Pour ma part, je mettrai l'avant-dernier devant. Et vous-même, mon très cher Bob? Eh bien, tout à fait. Oui, donc en fait, moi j'ai pareil. Moi, je suis plus vers la deuxième en fait sur le dernier album où je commence à décrocher. Ouais. Ouais. Après la deuxième, tu vois, tout à l'heure, j'arrive pas. Voilà. Il y a plus de longueur. Mais Like Clockwork, par contre, ouais, je l'ai réécouté et je le trouve plus intéressant. Ouais. Il se rapproche vachement de Lula Beast to Paralyze, par contre, je trouve. Après, ils ont fait, je crois, si je me trompe pas, Era Vulgaris. Après Lula Beast. Ouais. Ouais. Et après Ratted Hair. Ouais. Bah non, Ratted. Non, ça c'est un. C'est un ancien qui a été remis. Pardon, excusez-moi. Ouais. C'est la pochette est bleue, la base. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que ils sont vachement rapprochés de Lula Beast to Paralyze sur les deux derniers albums. On reconnaît bien, vraiment bien, la patte Queen of the Stone Age, c'est pas le problème. Ouais. Mais je suis vraiment quand même plus fan des trois premiers albums. Avec Song for a Death, R.A.T.D. puis. C'est à l'époque où il y avait encore Nick Oliveri en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Tu penses que c'est. Je sais pas trop. Après, j'aimais bien le batteur. Je trouve qu'il avait une patte, je sais plus le nom. Sur Song for the Death, c'est Dave Grohl. C'est Dave Grohl, ouais. Non, mais après. Et qui est revenu aussi d'ailleurs sur Era Vulgari, je crois. C'est possible, ouais. Parce qu'en fait, j'ai lu vite fait un peu la bio du groupe pour savoir, quand tu sais, quand la semaine dernière ou même il y a 15 jours, tu parlais du fait que c'était peut-être deux albums concept. Et j'ai pas du tout trouvé d'écho à ça en lisant vite fait la bio. Par contre, j'ai appris qu'il avait dégagé Nick Oliveri, en fait, parce que il y a quelques années, il avait dû lui dire il y a des rumeurs sur toi qui courent comme quoi tu bats ta femme, en gros. Et si jamais j'apprends que c'est vrai, plus jamais tu m'adresses la parole. Et c'est pour ça qu'il a dégagé du groupe, en fait. Ouais. Pourtant, il l'a fait revenir sur Era Vulgaris ou sur Like Clockwork. Enfin, il y en a un des deux où il l'a fait revenir pour. Je sais plus pourquoi. Parce que. pour jouer de la base, j'imagine. Oui, sûrement. Et à savoir aussi qu'en fait, bien sûr, Josol reste le dernier membre original. Voilà, c'est ça aussi, moi, qui m'a un peu gêné, c'est que sur les deux premiers albums... C'était un groupe. Un peu les cendres de Kios. Bah non, pas vraiment, en fait, il n'y avait que Joe Shaw, hein, sur Queen of the Stone Age, qui était... après, si, t'as eu Nick Oliveri à la basse aussi, mais... Moi, il me semblait qu'il y en avait d'autres. Hein. Non. Écoute, je regarde vite fait, parce que c'est important quand même de... Là on est sur de... Attends, il y avait... On est sur de l'info, là. Non. Attends, je prends ma source... Vas-y, mais... Attends, après la... Non. Tout à fait, je dis de la grosse daube, excusez-moi, tu as totalement raison. Je pensais connaître un peu le sujet. Ouais, mais c'est ça, tu as raison, j'ai confondu, et c'est important. Oui, tout à fait. Voilà, donc je me suis trompé. Non, parce que les cendres de Chaos se sont un peu dispersées. Un peu partout. Un peu partout, ouais. D'accord. Non, mais en tout cas, voilà, non. Parce que Nick Oliveri, lui, il est parti, il a créé Mundo Generator, qui était justement un titre de Chaos. John Garcia, lui, il a fait derrière. Il a fait... 15 groupes. Ouais, pas mal, ouais. Mm. Ouais, il a fait pas mal de groupes. Ouais. Ouais. Et après, il est redevenu John Garcia. Joe Shaw, lui, il a participé à pas mal de trucs aussi. Dont la création aussi des Eagle of Death Metal. Eagle of Death Metal, ouais. Auquel il est pas vraiment. Il est plus trop. En fait, je crois qu'il participait à l'enregistrement, peut-être, à la création des morceaux, et puis à la participation aussi des clips en eux-mêmes, peut-être, où tu le voyais. Ouais, tu le voyais, c'est vrai, comme ça. Tu le voyais jouer de la batterie, d'ailleurs. Gros bœuf, il tabasse la pauvre batterie. Et c'est vrai que tout le monde s'est un peu séparé. Alors, là, je pense dire des conneries, mais je sais pas, Chris Edler ou. Pour. Le bassiste de Chaos. Et ils ont eu tellement de musiciens aussi sur Chaos, ils ont changé de batteur. Il y avait Brand Bjork qui était à la batterie sur le deuxième album. Et Chris Cockrell à la basse. Holm à la guitare, John Garcia au chant, Brand Bjork à la batterie, Chris Cockrell à la basse. Et Scott Reeder, je crois. Scott Reeder, ouais, mais j'ai pas le... La basse aussi. Ah bah alors... Mais sur, c'est pareil, ça a vachement bougé aussi, Chaos, en fait. J'ai pas du tout écouté Chaos, moi. Je connais pas... étonnamment. Et c'est le meilleur groupe de Stoner qui... Ah ouais ? Ah ouais, c'est sûr. D'accord. Non, franchement, ouais, c'est... C'est un peu les... Pas les pères fondateurs, mais d'un certain Stoner, celui qu'on connaît maintenant. Mm-hmm. Ils en ont créé les bases. Ouais. D'accord. Ah ouais, parce que c'est vrai qu'il y a eu... On a dit que Black Sabbath aussi était, peu les bases du stoner. Dans ce cas-là, Led Zepp aussi un peu. Hein. Puis après, si tu peux partir dans tout, n'importe quoi. Donc, mais ouais, dans Chaos, c'est vraiment reconnu comme le groupe... Et Brand Bjork à la batterie. Ouais. Ouais. Ah ouais, quand même. Ah, puis non, franchement. Par contre, j'ai vu une photo de lui récemment. Putain, il a pris un coup de vieux. Il approche la cinquantaine quand même. Oh, il a dû pas mal tirer sur. Je pense aussi. Ouais. Je pense, ouais. Bref, en tout cas, donc. Pour l'avoir vu deux fois, on l'a vu. Hein, je l'ai vu ensemble, une fois, moi. Ouais. Une seule fois. J'ai dû le voir deux ou trois fois au fest. Ouais. Bon, ça allait encore en 2015, mais il était un bruit, c'était sous la valeur. C'était le concert de... Attends, parce qu'il y a une année où il y avait eu justement Mundo Generator qui était passé, et il y avait Sons of Chaos, mais Garcia Play Chaos, et t'avais Brand Bjork aussi qui jouait avec son groupe. Ah ouais. Donc en fait... En même temps ils jouaient la même année, et du coup ils se sont tous réunis, tous les trois, pour jouer Chaos. Ils ont repris des morceaux de Chaos et t'avais quasiment l'original de. Génial. Quoi. Mais c'était comment? Donc à un autre moment alors où c'était prévu? C'était un gros bordel parce que t'es plein de fumée. Tu voyais quasiment. C'était génial. Oh merde! J'ai essayé de faire des photos cette année-là, c'était impossible. D'accord. J'avais Nick Oliveri qui était juste en face de moi. Ouais. Mais vraiment, je pouvais quasiment lui toucher le pied, tu vois. Enfin, j'étais à la barrière, quoi. Ouais. Tu vois. Et je l'ai pris en photo. Je le voyais pas. De la fumée partout. Bah, c'était, voilà, ah, mais bon souvenir, quoi. D'accord. D'accord. Cool. Ah bah c'est stylé. Mais du coup, en tout cas, donc on revient un peu sur ce qu'on avait dit. On avait, enfin, non, pas vraiment. On n'est toujours pas méga fan du dernier album. Par contre, on a découvert l'avant-dernier, enfin, moi, j'avais pas du tout écouté, que je suis plutôt... Bah, je l'ai réécouté, ouais, je le trouve bien. Ça, ouais, il est bien, je trouve sympa. Ça va, il passe bien. Moi, ouais, il passe bien, je trouve aussi. Donc, qu'est-ce... Attends, j'ai fait un gros zoom. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Ah ben, j'ai continué d'écouter, j'avais dit que je continuerais d'écouter les 25 groupes recommandés par Loudwire. Je t'en ai fait écouter aussi un petit peu tout à l'heure. Ouais. Donc, j'avais déjà écouté Guar, que j'avais bien aimé. Municipal West, que j'avais bien aimé aussi. Le dernier Cradle, que j'avais bien aimé. Enfin, que j'avais bien aimé pour un Cradle, en disant que je le trouvais beaucoup plus écoutable que les autres. J'ai écouté Body Count, que je t'ai fait un peu écouter. Et en fait, pour moi, Body Count... Alors, bon, déjà, c'est marrant parce qu'ils font une reprise de Raining Blood. Mais ils se sentent obligés avant de l'expliquer. C'est très bizarre. Ça justifie. Voilà. C'est-à-dire encore, tu sais, normalement, quand il y a du texte ou des gens qui parlent, tu le mets à la fin d'une chanson pour que quand le titre suivant il passe, tu commences... Là, non. Là, il y a l'explication avant. Mais donc, en gros, Ice Cube était, il explique comment il a créé le groupe Body Count et comme quoi ils étaient fans, que le guitariste était fan de Metal et qu'il voulait en faire et que lui, il y a trois groupes qu'il aimait bien. Donc, de ce que j'ai compris, il y avait Black Sabbath, Suicidal Tendencies. Ouais. Et Slayer. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils reprennent cette chanson. Elle apporte rien de plus à la vie, mais elle a le mérite d'exister. Ouais, voilà. Après. Sur l'album, il y a des participations comme Dave Mustaine, Max Cavalera et Randy Blitz, que tu n'as pas reconnu. Que j'ai pas reconnu. Et je trouve en fait que Body Count est un meilleur Prophet of Rage que Prophet of Rage. Attention, explication. Parce qu'en fait, Prophet of Rage, ça veut bien dire des prophètes de la rage. Et ce que j'ai écouté de Body Count, pour moi, c'est vraiment des prophètes de la rage. Les mecs sont en colère, quoi. Tu les sens vraiment en colère. Après, musicalement, je trouve que ça a parfois des faux airs de Limp Bizkit, un petit peu. Ouais, je vais loin. Je ne connais pas Limp Bizkit. Je m'en fous, je vais loin. Au point de... Par certains côtés, hein, je trouve, hein, bien sûr, ça a une autre essence, un côté plus, plus street, plus vrai. Bien sûr. L'album m'a pas beaucoup plus emballé que ça, comme il était dans les 25 albums de l'année, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit, enfin qu'il tape dedans, et donc ça m'a donné envie d'aller écouter d'autres trucs de Body Count, que bien sûr j'en suis resté à Point Dead, hein, que tout le monde a connu à l'époque de la sortie dans les années 90, mais ça m'a donné envie d'aller en écouter d'autres. Par contre, je suis pas un grand fan de cet album, il m'a pas plus branché que ça. J'ai donc écouté Satyricon, mais déjà la semaine dernière j'avais dit que c'était pas mon délire, mais que c'était pas mal. Trivium, que sympa. Cavalera Conspiracy, qui est très sympa. J'ai écouté Obituary et ça s'écoute dans le style. C'est pareil en fait. J'ai essayé d'écouter par rapport à. Enfin, de donner un avis par rapport à ce que j'aime et aussi mon avis sur le côté de dire ouais, c'est pas pour moi, mais c'est bien fait quoi. With Our Arms To de je sais pas quoi le nom de machin, c'est calme. C'est bien. Tu peux mettre ça. Tu écouté tout à l'heure ? Non, ça c'est un autre truc qui est calme, ouais. Alors Godmother, j'ai pas assez écouté pour en parler. C'est un autre truc qui calme. Oui, Replace ailleurs, je t'ai fait écouter, c'est le premier truc que je t'ai fait écouter. T'avais un peu bougé la tête, t'avais l'air de ouais, parler. J'ai de banguer. Vite fait. Hein. Ouais, moi j'aime bien. À 5%. Ça, franchement, j'ai plusieurs fois écouté, ça m'a pas déplu. King Woman, ça c'est le truc calme avec la voix de la fille. Que j'ai joué, que j'ai. Peut-être où je t'ai dit, ça me faisait, c'était sirupeux. Sirupeux, voilà, c'est ça. C'était sirupeux. Là, c'est entre sirupeux et soporifique. C'est ça, ouais. C'est entre les deux. C'est en fait un coulis de miel qui tomberait sur. C'est ça, tu dis ah. Comme ça. Tu dis oh, ça va. Paradise Lost. Alors, j'ai pas écouté d'album de Paradise Lost depuis 10 ans environ. J'en avais acheté un à une époque qui était sorti parce qu'il y avait un truc qui me plaisait. C'était fait comme la semaine dernière, je l'avais décrit comme étant un truc de gothique metal un peu machin. Et là, ce que j'ai écouté de l'album, ça m'a pas plu du tout. C'était à moitié black. Enfin, j'ai pas aimé le. Alors, est-ce qu'ils ont changé de direction avant et je le savais pas. Je vais me renseigner, mais là, je. Voilà. Faudrait qu'on leur demande, effectivement. C'est ça. N'hésitez pas, les gars, si vous écoutez. Ouais. Immolation. Je vais les tailler. Immolation, c'est pour ce que c'est. C'est. Voilà, c'est pas. Ça m'a pas déplu. Ça m'a pas transcendé non plus, mais ça m'a pas déplu. Alors, Bellwitch, je t'ai fait écouter un petit peu. C'est le truc qui mettait du temps à démarrer. Ah. Alors, en fait, moi, j'ai voulu écouter en me disant, ok, je vais essayer de tenter le coup. J'ai écouté 12 minutes. j'ai écouté 12 minutes. Et t'attendais que ça parte. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un morceau sur l'album, il dure 1h23. Non, vache. Alors, moi, je me dis, c'est une expérience. J'ai rien contre ça, hein. Franchement. J'adore Devil Doyle, par exemple, qui est, j'en avais déjà parlé. Il y a deux morceaux, ça dure 45 minutes. Non, mais je... Moi, sur, je sais plus quel... Merde, je sais plus quel album, mais en général, ils font des morceaux très longs. Et ouais, c'est pareil, j'ai rien contre, mais c'est pas mou. Alors, ouais, mais en fait, là, ce que je t'ai fait écouter, t'as vu, au bout de 5 minutes, il y avait toujours rien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et franchement, j'essaierai d'écouter en entier, mais c'est hyper compliqué sur un morceau. Encore, j'aurais fait une longue... Alors, comme une longue chanson, mais découpée un petit peu. Là, ce que je veux dire, c'est que ça va être compliqué d'écouter 1h23, parce qu'il faut trouver 1h23. Faut avoir envie d'écouter 1h23. Et le peu que j'ai écouté, j'arrêtais pas de me dire, mais en concert, ça... comment ils font, quoi? Je veux dire, ils doivent s'endormir entre deux, parce que... Peut-être qu'ils fournissent les lames de rasoir. Ah, non, mais je sais pas, parce que vraiment, cordes, en plus, pour le coup, c'est pas... On installe des poutres avec des cordes. Non, mais tu vois, contrairement à la semaine dernière où on a parlé de Russian Circle, où c'était vraiment... Il n'y avait pas de parole, mais c'était bien. Enfin, c'était efficace. Là, c'est pas eux qui ont interdit les téléphones, les photos au téléphone aussi. Russian Circle. Je sais pas du tout. Ah bon, ils auraient interdit des trucs? Ouais. Pourquoi? J'ai cru voir ça il y a peu de temps. Pour pas qu'on les prenne en photo? Ouais. Ah, peut-être. Ils ont interdit les téléphones, enfin les photos au téléphone. Ah bah peut-être. Donc bah, si, qui se font griller. Parce qu'il y avait Tool qui faisait ça, hein. Et Perfect Circle. Ah bah ouais. Non, c'est Perfect Circle. Voilà, bah on en avait parlé, oui. Ouais. C'est ça, puis ils avaient dégagé 60 mecs d'un concert. Ça, ouais. Ouais, bah donc tu vois, j'ai vu l'info, moi, il y a 3 jours, je crois. D'accord, bah j'en ai parlé dans il y a 3 numéros. Ouais, ouais. Mais comme quoi, tu vois... Enfin, en tout cas, on suit plus. Si tu te souviens, putain, je l'ai écouté. Si tu te souviens, c'est bien, le seul que j'ai écouté. J'avais défini Bellwitch. Enfin, eux-mêmes se définissaient comme un truc de niche. Ah, c'est ça. C'était pas bah, comme quoi. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai écouté aussi Converge, le dernier album, que efficace. Ouais. Ça tape dedans. Ah, ça tape dedans. Cannibal Corpse, ah, pareil. Hein, ça, ouais. Dedans, ça, on peut pas. Enslaved, c'est pas pour moi, mais ça marche plutôt bien, je trouve. Mmh. Alors, Zeal et Ardor, qui est un des trucs les plus... Je t'ai fait écouter un petit peu tout à l'heure. C'était long aussi, ça. Ouais, hein. Mais alors ça, pour le coup, pour moi, il y a trop d'influence électro, et du coup, j'ai du mal à m'imprégner de la musique, parce que il y a des petites sonorités de temps en temps qui font, tu sais, comme la batterie électronique et tout ça, et ça me... Ouais, quelque chose qui te gêne. Ouais, j'arrive pas à rentrer dedans. Mmh. C'est pas... Je dirais pas que c'est pas bien, je dirais que c'est vraiment pour le coup pas pour moi. Pale Bearer, j'ai pas assez écouté pour en parler. Alors Dying Fetus, alors moi tout ce qui est à base de fœtus en train de mourir, c'est pas ma cam. Ouais. C'est, on dirait du grindcore un peu long. Tu sais, l'avantage du grindcore, c'est que c'est court. Normalement c'est court. Et donc, mais là, c'est pas, ça doit être un mélange entre le grind et le death. Ouais. Et du coup, bah. Alors, au début, j'ai putain, c'est dur à écouter quand même. Au début, j'étais. C'est pas. Et au bout d'un moment, il y avait quelques trucs qui étaient sympas. Mais. Enfin, voilà. Ouais, je suis pas assez client. Mais j'aimerais bien discuter avec des fans de Dying Fetus. Ouais, ou enfin, de genre. De genre ouais. Pour. Pour comprendre. Ouais, ouais, voilà. Le pourquoi du comment. Après, j'ai discuté avec un pote à moi et on parlait. Musique et tout ça, et en fait, au bout d'un moment, on me dit ouais, enfin, tu sais, moi, la musique, ça match ou ça match pas, et puis après, je passe à autre chose. Je dis ouais, mais des fois, c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, enfin, ou comment sont faits les trucs pour essayer de te dire justement, bah, ça, c'est pas pour moi, mais je trouve que c'est bien fait, ou ça, tu dis bah non, c'est un peu pas terrible. Et il était pas du tout d'accord, lui. Lui, il reçoit la musique comme elle est, et il passe à autre chose, il intellectualise pas du tout. Et je dis pas qu'il a tort, je dis juste, moi, sans vouloir forcément intellectualiser la musique, mais j'aimerais bien être capable d'expliquer, de beaucoup plus, d'arriver à avoir plus de mots et de vocabulaire, enfin de trouver les bons mots pour mieux expliquer ce que j'aime. Ouais, mais ouais, enfin après, ouais, ça peut devenir compliqué, parce que ouais. Dans ces cas-là, tu t'arrêtes pas que à l'esprit métal. Bah, tu peux aller beaucoup plus loin, quoi. En fait, on n'était pas d'accord. Intellectualiser la musique, justement, quoi. Si, ouais, en fait, mais c'est parce qu'en fait, on avait une discussion sur, justement, sur Dagoba, et lui, il me disait comme ça que lui, il aimait bien le dernier album. Moi, je dis, bah, non, le dernier album, il n'est pas bien comparé. Il me fait, bah si, je viens d'écouter les deux anciens d'avant pendant 15 jours, et voilà, bah, ça me fait plaisir d'écouter un nouveau truc. Et je dis, ouais, mais je dis, tiens, on est quand même loin des deux premiers. Il me fait, ah non, non, mais il me fait les deux premiers, c'est les meilleurs, mais je les compte pas dans les autres. Tu vois, lui, il arrivait même à dispatcher des trucs pour ce groupe-là, en tout cas. Il a bien précisé pour ce groupe-là, il ne le fait pas pour tous les groupes. Mmh. Et donc, du coup, moi, j'essaie de lui dire, ouais, mais non, pour moi, sur le dernier album, je trouve vraiment que les sons électro et la voix sont trop en avant. Il dit, bah moi, ça, j'y connais rien en technique, machin, juste moi, j'aime ça et tout. Et bah du coup, moi, je trouvais qu'il passait un peu... Enfin, je vais pas dire qu'il a tort, mais c'est comme si on prenait le dernier album d'Inflame. Le problème de ce dernier album, c'est la prod. On est tous d'accord pour dire, en live, ça doit être pareil, les morceaux ont l'air bien. Mais le problème de l'album, c'est la prod qui est mauvaise. Et du coup, la prod rejaillit sur ce que t'écoutes. Et je pense que c'est important quand même de réfléchir le sujet pour être capable justement de... tu vois, contrairement à Queen of the Stone Age, où la prod, elle est toujours nickel. Mais tu te rends bien compte que... Bah, là, j'ai un très bon exemple. Tu vois, la première chanson de l'album, du dernier album, Vilain, je la trouve top jusqu'au moment du solo. Au moment du solo de guitare, je trouve que ça perd vraiment de... Il y a quelque chose qui se passe comme une cassure qui fait que l'intérêt du morceau, pour moi, descend vachement. Ouais. Et est-ce que tu écoutes la musique aussi, des fois, juste avec tes tripes? Ouais. Bah oui, regarde Russian Circle, ça m'a pris direct sans que j'arrive à... Le truc, c'est que je suis pas toujours en train de réfléchir, justement. La même chose. Non, mais là, justement, quoi. Enfin, moi, tu vois, j'ai pas ce côté à me dire ça perd de son mouvement, tu vois, aller chercher le truc. Mais quand tu l'écoutes et que tu le sens, regarde, tu disais tout à l'heure sur la deuxième chanson, ça t'a fait perdre. Bah, ça me perd parce que, en fait, ça me parle pas, simplement. Moi, je pense que j'écoute plutôt la musique avec mon cœur. Et tout ce qui me parle pas, je vais aller essayer de comprendre. Bah, pour me dire, voir si je peux éventuellement me dire, ok, il y a peut-être des morceaux qui peuvent me plaire, et celui-là va pas me plaire. C'est pas parce qu'un morceau me plaît pas qu'un autre va pas me plaire, tu vois, oui, ce que je veux dire. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est pour ça que justement... Mais je vais pas essayer de chercher l'aspect plus technique, ou je sais pas comment tu vois le truc. Bah, en fait, mais je le vois pas, en fait, c'est... je pense que... J'ai l'impression que tu vois ça comme ça... Mais en fait, non, quand j'écoute tu sais, quand t'écoutes quelque chose, et que t'es pris dans la musique... Et que d'un coup tu décroches. Ouais. D'accord, bon bah non, et puis soit tu passes à l'autre morceau, enfin tu continues. Mmh. Et en fait, moi c'est le moment où je réécoute et je me dis, attends, c'est bizarre, pourquoi j'ai décroché à ce moment-là. Mais voilà. Moi je fais pas ça. Bah. Je réécoute pas. Et je. Parce que je dis, merde, si je décroche, c'est que voilà, ça me parle pas. Mais oui, mais justement, des fois, t'as jamais eu le truc de te dire, bah moi j'aime bien me dire pourquoi je décroche, si ça vient de moi ou si c'est parce qu'à un moment donné j'ai pensé à autre chose en fait. Non. Bah non, parce que enfin, c'est vrai que moi en général, quand j'écoute de la musique. Quoi, c'est mais pas... tu fais rien d'autre. Je fais rien d'autre. Ouais, moi je suis tout le temps en train de faire d'autres trucs. Ouais, bah ouais, voilà, c'est ça. Toi tu fais 12 000 trucs en même temps. Bah du coup, ouais. Mais du coup aussi, c'est pour ça que les trucs que j'aime, je les aime à fond de cale. Ah, mais ça, il n'y a pas de souci. Mais non, mais j'écoute toujours justement avec un. Regarde par exemple Russian Circle, je venais de lancer le truc, je suis parti et j'ai fait putain, c'est top, et ça m'a pas arrêté de faire top. Et dans ce cas-là, j'ai pas essayé de comprendre pourquoi j'aimais. Mais c'est plus pourquoi, quand t'aimes une chanson, d'un coup, il y a quelque chose que t'aimes moins. Ou comme quand, par exemple, quand t'écoutes un truc et que... Ouais, enfin, moi, dans ces cas-là, ce que je me dis, c'est que, de toute façon, la chanson, elle est faite, quoi. Tu peux pas la changer, donc du coup... Ça, c'est le meilleur argument du monde, ça, j'ai rien derrière. Non, mais... Voilà, tu peux pas changer le truc, donc après, voilà, tu décroches, bah tu décroches, quoi. Et puis, ouais, mais... Et tu vas redécrocher à la prochaine fois, je pense, aussi, quoi. Tu vas... Bah... Oui, mais... T'as pas le truc, quoi. Mais je suis d'accord, ben je suis entièrement d'accord avec ça. Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant, mais... justement... Je trouve ça aussi intéressant, mais... Si je trouve... C'est pour revenir sur l'album de Dagoba, tu vois, moi, c'est vraiment... Quand j'écoutais le truc, je me dis, quelque chose qui me gêne. C'est de comprendre qu'est-ce qui me gêne. Mmh. Pas juste passer dessus en disant, mais il y a un truc qui me gêne, j'arrête d'écouter. Il y a un truc... Ouais, enfin, tu sais, après, il y a... Des millions de groupes, quoi. Mais oui, non, mais en fait, l'idée, c'est par exemple, comment tu fais pour parler d'un groupe? Si tu dois dire juste. Bah après, si t'es pas obligé d'en parler, t'en parles pas, tu t'en fous. Oui, mais dans ce cas-là. Ouais, non, mais tu vas pas dire. Mais là, c'était le cas, je devais en parler. Ouais, mais après, tu peux parler de plein d'autres groupes et que la personne ne connaît pas. Tu peux faire découvrir d'autres groupes. C'est pas ça, oui, mais là, je devais parler de cet album-là, de Dagoba. C'était obligé. On en avait parlé pour le podcast. Une... Ouais, non, mais. Ah oui, non, mais. C'est pour ça que je dis ouais, ça. Ouais, mais si tu me dis, j'en parlais avec un pote. Ah non, mais c'est après, ça arrivait bien ouais, après. Non, mais ça. Voilà, c'est pour ça. Bah parce qu'il m'en a dit, ouais, j'aime bien. Après, oui, quand t'as. Tu... Oui, dans ce cadre-là, oui, je comprends. Bah c'est pour ça que je parle de ça, moi. Ah oui, non, mais là, tu parlais de ton pote avec qui pas, il disait. Parce que c'était à la suite de ça, quand il m'a dit. Moi, je lui ai dit, oui, dans le podcast, j'en ai parlé parce que je l'ai bien écouté, le dernier album, et lui m'a dit, ah, moi, je l'ai bien aimé. Je dis, ah, moi, je l'ai pas aimé. Ouais. Et donc, Ouais. Et lui, il me disait, ouais, bah, j'aime. En fait, un peu comme ce que tu disais, j'aime bien, j'aime pas. Point. Ouais. Alors que moi, je dis, bah, non, mais oui, mais imagine, tu dois dire quelque chose dessus. Exactement de la même manière que quand t'aimes bien, c'est vachement. Il y a deux écoles, il y a deux écoles, c'est tiens, écoute, regarde, j'aime bien. Ou regarde là, tu vois le truc, machin. Là, ouais. Pour moi, je comprends pas, ça passe pas. Voilà, mais après, oui, tu peux, oui, forcément, c'est obligé que t'aimes avoir d'autres avis et comprendre aussi, oui, dans ces cas-là. Mais, c'est, oui. Mais c'est dans. Si c'était dans le cadre du podcast, oui, bien sûr. Et bah, c'était lié à ça. Hein. Ouais. Exactement. Tout à fait. Alors, je vais te donner un contre-exemple parfait. Parce que je donne que des exemples parfaits. Ouais, bien sûr. Imagine Mastodon là qui ressort un truc. Bam! Et tout l'album, tu passes à côté. D'accord? Ouais. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas dire, bon, bah non, il est pas bien l'album et tu vas le ranger. Ou tu vas dire, c'est mastodonte, c'est bizarre que d'habitude je sais que c'est pas facile à écouter, donc je vais peut-être faire un effort et je vais le réécouter. Alors, pour tout te dire. Ah, là j'ai levé un. J'ai découvert Mastodon avec Hunter. Ouais. Donc, qui n'est pas le premier album, forcément. Mmh. Et au début, j'ai vraiment eu du mal à écouter Hunter. D'accord. Parce que je me suis dit, mais ouais, non, ça me correspond pas spécialement, je suis pas fan, c'est un peu trop de musique pour moi, tu vois. Ouais. Et j'ai dû l'écouter 5 fois avant de commencer à l'apprécier. Alors, pourquoi tu l'as écouté 5 fois? Connard. Moi, c'est ça le poids. C'est parce qu'on m'avait dit Mastodon, c'est génial, bah, écoute voilà. Mastodon. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, je vais écouter un album de Mastodon. Comme Clutch, c'est pareil. J'ai commencé Clutch avec, si je me trompe pas, Blastian, je crois, un truc comme ça. Donc tu vois, qui est un album. Tu vois, c'est, si on prend le. Quand on reçoit le. Enfin, quand j'achète le magazine de nos confrères de chez Rock Hard, et que j'écoute un single d'un groupe, et que je l'aime pas, je vais pas me dire, bah tiens, je vais écouter l'album. Ou alors si, j'y vais par curiosité, mais. C'est important en fait déjà de se dire qu'un album c'est dans une totalité et d'essayer de comprendre pourquoi tu vois par exemple Trivium, le dernier album je t'ai dit il était vachement bien. Ouais, mais je trouve ça vachement hyper bien. Enfin, après je sais pas si tu fais ça, mais tu vas écouter un morceau, tu vas dire ouais j'aime pas spécialement mais je vais aller écouter l'album pour voir si j'aime pas vraiment. Non, parce qu'il faut que j'ai une raison pour aller l'écouter en fait, tu vois, là par exemple. Ouais, mais si t'as un petit truc qui te fait ah peut-être que. Bah, c'est en fait ça dépend vraiment de la raison pour laquelle j'écoute. Là, si je prends les. En même temps, c'est con ce que je vais dire, mais c'est aussi la première saison du podcast qui m'a montré qu'on allait écouter des groupes qu'on connaissait pas forcément ou sur lesquels on s'était arrêté pour découvrir autre chose. Ouais. Donc, c'est de là aussi que je me suis dit, ok, je peux agrandir mon paysage musical et de je peux aimer encore plus de trucs, donc c'est d'avoir forcé, de m'être forcé à écouter certains trucs pour en parler, qui m'a donné maintenant la possibilité de dire ok, là il y a 25 groupes que Luke Boyer a dit que c'était bien, bah, je vais essayer d'écouter, j'ai sûrement trouvé des trucs intéressants dedans, et par exemple d'avoir trouvé Gouard, c'est déjà un bon truc parce que j'ai trouvé ça, le groupe je n'avais jamais été écouté parce que je trouvais que leur costume était ridicule, alors que pourtant c'est bien, tu vois, et de la même manière que quand je lance le dernier album de Dying Fetus. Je suis pas en train de prendre mon kiff de ouf, mais si je m'arrêtais à ma première impression, bah, j'aurais zappé toutes les chansons au bout de 3 secondes. Et en me laissant l'album en écoute, j'ai découvert des passages intéressants dedans, en me disant bien sûr derrière, enfin, ça n'a pas révolutionné. Ouais, mais je crois qu'on a, on a une écoute différente de la musique aussi. Mais bien sûr. Parce que moi, j'achète les albums. Ouais, mais c'est big, mais là. Mais je, par exemple, j'écoute pas Spotify ou Deezer. Oui, mais quand par exemple. Moi, la musique que j'écoute, c'est la musique que j'achète. Sauf. Dans les chroniques que tu faisais l'année dernière. Ouais, bien sûr. Voilà, dans ces cas-là, oui. Bah, donc voilà, donc mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Bah, oui. C'est que tout ce que j'ai écouté l'année dernière, les seuls trucs que j'ai achetés, c'est les trucs que je connaissais déjà. Et que je ne crois pas avoir en fait de découvertes que j'ai achetées. Parce que tu n'as pas voulu. Pourtant, tu aurais pu le faire. Bah, par exemple, avec quoi? Touriza, tu aurais pu. Ouais. Et si, oui, oui, il y avait le groupe. Oui, Touriza, oui, exact. T'aurais pu. Et ouais, mais après, c'est toujours pareil, quoi. C'est, et Dillinger et Scott Plain. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est prévu que j'en achète du. Bah voilà, Dillinger. Donc tu vois. Tu vois, pour l'instant, là, j'ai oui, pas par, trop oui, de budget. Mais regarde, si tu fais un Remember de ta vie, Dillinger, t'avais déjà vu et t'avais pas du tout accroché. Bah non, parce que. Et que là, oui. Ouais. Donc c'est bien en poursuivant. Et donc c'est bien en essayant d'écouter, de comprendre quelque part. Alors là, oui. Voilà. Très bon exemple. Bah, parce que ça. Tu fais que des très bons exemples. Bah j'essaye. C'est là où je veux dire que, évidemment, moi aussi je suis d'accord pour dire la musique, elle te touche ou elle te touche pas. C'est vrai que Dillinger, Mais regarde, c'est l'exemple parfait, oui. Et moi, mon exemple parfait dans le contre-exemple, ça serait Cradle of Filth. Je détestais ce groupe, je l'ai conchi depuis qu'il existe parce que j'ai jamais pu blairer une putain de chanson. Quand la dernière fois j'ai dit, bah, il y a un album qui sort, bon, bah, je vais l'écouter. J'y suis allé à la cool, je l'ai écouté, j'ai dit, ah, il y a des trucs qui sont pas pour moi, mais je le trouve vraiment mieux. Tu vieillis, mec. Non, non. Tu prends de la maturage. J'ai ouvert mon esprit en me disant. Bah, tu vieillis. Peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné. T'es moins con. C'est pas gagné. C'est juste qu'à un moment donné, pour en parler, il faut avoir des choses à dire. Et donc, t'es obligé d'écouter, et t'es obligé d'écouter plusieurs fois pour avoir des choses à dire quand tu comprends pas quelque chose. Après, tu peux t'arrêter effectivement à j'aime pas. Mais moi, je trouve que c'est. Par moment, c'est passé à côté de quelque chose. Mais ça, c'est après, c'est totalement personnel. C'est beau ce que tu dis. Non, mais. Le prochain groupe est un bon exemple de ce que je trouve intéressant dans la réflexion, parce que c'est Code Orange. Et Code Orange, c'est un groupe dont on a assez entendu parler. Ils avaient par exemple pris la place de Mass Hysteria avec System of a Down aux arènes de Nîmes. Et c'est un groupe qu'on entend beaucoup, quoi, qui traîne beaucoup, je trouve, Code Orange. Code Orange, oui, on voit souvent ce, ouais, ce nom. Et ben moi, pour moi, ça fait très longtemps que j'ai pas écouté un groupe qui sait aussi peu où il va. Tellement ils brassent des styles et tout ça, parce que, en fait, quand j'ai écouté l'album, il y a quand même certaines chansons où j'ai regardé mon téléphone pour vérifier que c'était bien le même groupe. Je crois que j'ai essayé d'écouter et j'ai assez vite lâché. Et j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans, parce que pour moi, il n'y avait pas le côté groupe, justement. Ouais. Il n'y avait pas le côté identité musicale. Je le trouve pas assez. Alors, c'est le dernier album, j'ai pas écouté les autres. S'il y a des fans de Code Orange, je dis sûrement de la merde. Mais moi, mon ressenti était comme ça. Je trouvais que c'était un groupe qui ne savait pas où il allait, qui était perdu. Après, ça peut être bien, mais là, c'était pas perdu dans le sens on tente des choses, c'était perdu dans le sens on sait pas ce qu'on fait. Donc, voilà. Mais ça, c'est en réfléchissant un petit peu, en écoutant. Mais, tiens, bah, par exemple, voilà, sur le dernier album de Mastodon, ils ont pris une direction un peu plus mainstream, c'est-à-dire plus écoutable. Sur le dernier album ? Ouais. Pas sur le dernier EP. Close Place. Non. Ouais. Emperor of Sand. Emperor of Sand. Mais du coup, si tu réfléchis pas, toi, tu pourrais juste te dire, ah bah c'est défendu. Bah moi, je trouve qu'il se rapproche assez de. Bah, en fait, je trouve que c'est un bon mélange de si je me trompe pas, Blood Mountain et Hunter justement. C'est entre les deux. Et moi, je le trouve bien cet album. Je le trouve pas excellent, mais je le trouve bien. Pour moi, c'est vraiment les premiers albums qui sont les meilleurs, forcément. Mais ouais, non, je le trouve écoutable. Enfin, il passe bien. Il passe bien, franchement. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais oui, plus mainstream, comme tu dis. Ouais, ouais, mais pas dans le côté forcément négatif du terme. Ah, oui, bien sûr. Mais voilà. Et donc, le dernier groupe est Power Trip, et que bah, ça m'a pas forcément pris au trip, mais c'était pas mal. Voilà, donc c'était c'est marrant d'avoir toi discuté vite fait de ces petits groupes et d'en avoir fait une espèce de débat sur la musique. Après, ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de groupes là-dedans. Bon, après, c'est comme on avait fait l'année dernière, quoi, c'est ça. Le tirage au sort, tu vois, voilà. C'est. Faudrait que je l'aie cette petite liste pour écouter, mais il y a tellement de groupes aussi que. Ouais, mais. Qui vaudrait le coup d'être connu. Comme il y a plein de petits groupes que je connaissais qui ont splitté et dont j'ai des albums, comme Ride the Sun par exemple, qui est un groupe de stoner qui passe très bien et qui n'est pas connu du tout, comme Artemus Paldriver, qui est un groupe qui a fait un album, qui a splitté juste après, qui sont géniaux. Ils sont vraiment. Voilà. C'est dommage qu'ils ont splitté parce qu'ils aient splitté, mais voilà, comme Soleils aussi, qu'on n'entend plus parler, qui est un groupe. Elder aussi que j'avais vu, je crois. C'est des petits groupes qui parlent pas d'eux mais qui sont des très bons groupes, quoi. Et voilà, après Oui, non, mais là t'en viens de dire qu'on peut pas tout écouter, je suis d'accord avec toi, ouais. Mais en fait moi ce qui m'intéressait justement dans ces 25 groupes, c'est que j'en connaissais pas la moitié. Je me suis dit, ah, j'en connais pas la moitié, eux ils disent que c'est les meilleurs albums de cette année, bah, je vais aller écouter, ouais. Mais après je pense qu'à un moment donné, justement, quand tu écoutes, mais attends, quand tu écoutes, quand tu regardes des films, quand tu lis ou quand tu lis un truc, t'es obligé un minimum de réfléchir sur le. Au moins pour essayer de dire deux, trois trucs. Là, j'ai juste dit deux mots pour chaque groupe, donc c'est pas vraiment pousser la réflexion non plus, mais On n'est pas en plus à savoir si c'est bien ou pas bien, après, parce que c'est un ressenti personnel et tout ça, mais juste essayer de comprendre des fois pourquoi toi ça match ou ça match pas, quoi. Mmh. Tu vois, regarde, quand on avait le débat sur Trivium avec, avec Étienne et Richard, ils aimaient pas pour les raisons qui étaient que ça correspondait pas à ce qu'ils aiment dans le champ du métal. Et ce qu'ils font aussi. Quoi. Voilà, et ils ont tout à fait le droit, ça change pas la donne. Mais c'est intéressant, au contraire, justement, de, pour moi, d'échanger. Mais pour échanger, il faut avoir des arguments. Et pour avoir des arguments, bah, faut pas juste dire j'aime ou j'aime pas. Mais... Et accessoirement, je pense que d'avoir écouté plein de groupes l'année dernière, ça a forcément nourri ce qu'on aime dans la musique et ce qu'on pourrait aimer à l'avenir. Ouais. Donc, Et en même temps, c'est ce que j'allais dire, je trouve ça assez prétentieux de dire que c'est les 25 meilleurs albums de l'année. Pour eux, c'est peut-être... Après, je sais pas comment ils ont décidé voilà. ça. Alors les mecs, est-ce qu'ils sont tout seuls? Est-ce qu'ils sont deux? Est-ce qu'ils sont trois à non. dire ça? Ah non, mais je pense que c'est peut-être des votes internes. Ou, mais, y a, tous les ans, il y a des votes. Tous les ans, il y a des top 5, des top 10, d'un milliard de trucs. Non, mais c'est comme tout, quoi. C'est comme dire que toute la France aime le football. Non, toute la France n'aime pas le football, je veux dire. C'est, oui. c'est non, mais l'idée, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais imagine, là, par exemple, demain, tu veux écouter des trucs nouveaux ou des trucs que tu connais pas. Tu fais comment, toi? Faut bien que tu partes quelque part pour trouver une référence. Ah bah pour trouver tous les petits groupes que je trouve, en fait, moi c'est j'allais piocher sur internet. Dès que je trouvais un groupe, oui. j'allais sur artistes mais... similaires, pof, pof, voilà, pof. Mais maintenant là, dans... avec internet, tu trouves ce que tu veux. Oui, quoi. Mais là t'es dans le côté artistes similaires. Je te parle de nouveaux trucs ou d'autres choses. De trucs que tu viendrais pas forcément. Non, mais après, tu sais, c'est comme tout en fait. Oui, c'est... mais par exemple, il y a quoi comme chance pour que Dying Fetus arrive dans tes recommandations? Bah en fait, j'écoute beaucoup de choses. Oui, mais... C'est vrai, j'écoute beaucoup de styles musicaux différents. Musicaliste. Musicalisiste. Non, non, mais j'écoute, ouais, j'ai beaucoup de styles musicaux différents. Donc, après, du coup, oui, Dying Fetus aurait pu se retrouver. Très bien, bah tant mieux. Comme tu disais, hein, j'ai un Soylent Green. Ouais, bah oui. Ah, bah dis donc, c'est pas du tout. Voilà. Ah, bah excuse-moi. Mais oui. Et je te parlais de Devil Doyle tout à l'heure, c'est pareil. D'accord, je ne connais pas. Devil Doyle, c'est tout à fait dans l'esprit. Non, mais je n'ai jamais pensé que tu n'avais pas de... Qu'est-ce qu'il y a, si, il y a plein d'autres groupes, quoi. La Société des Timides à la Parade des Oiseaux, par exemple. Je connais pas. Tu connais pas non. Mais voilà, c'est pareil. C'est... Très bien. C'est pour ça. Okay. Il y a énormément de groupes que tu peux... Oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais je trouve ça aussi, des fois, intéressant d'aller voir quelque chose... Là, tu vois, c'est un top 25 qui est sorti, parce que le site, quand même, Loudwire, c'est pas non plus un petit site lambda. Mais non. Donc, je trouvais ça juste... Puis bon, il y avait Trivium dedans, il y avait... Attends, il y avait Cavalera Conspiracy, que j'avais bien aimé, alors que, justement, j'aurais pas du tout cru. Il y avait Body Count, qui, en plus, était annoncé cette année au Hellfest. Je rappelle que j'avais dit combien de groupes? J'avais dit... La moitié. Ouais. Donc, on avait dit 12 ou 13. Ouais. Non, j'avais dit 12, sachant que le 13e, ça devait être Body Count. Body Count. Voilà. Donc, tu vois, c'était aussi l'histoire de se mettre ça aussi dedans, quoi. Dire, ouais, il y a les 20. Donc, voilà, on verra, mais je trouve ça. Enfin, moi, je trouve toujours ça intéressant d'aller écouter des groupes que j'irais pas forcément pour une raison. Alors, peut-être que le podcast devient une raison pour écouter des trucs. Pourquoi pas? Bah, écoute. Mais je pense que tu es assez d'accord avec moi pour refaire la même chose sur, dès qu'on aura la fiche complète, de toute manière. Complètement. Donc, tu vois, c'est un peu l'idée, hein, c'est un concept plutôt sympathique. D'ailleurs. J'aimais bien l'idée. Du coup, là, on a bien, bien parlé de ce truc-là. Donc, ça fait déjà 1h13. Ah la vache. Donc, moi, je voulais revenir, en fait, je pense, je sais pas, est-ce qu'on revient là-dessus ou pas? Du coup. C'est toi qui vois. Ouais, allons-y. En fait, suite à la news qui est sortie sur l'EMI, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouvais ça hyper respectueux d'avoir... Je l'ai dit tout à l'heure ou je l'ai dit avant? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est bien d'avoir attendu. J'ai dit, Ouais. Dit, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, mais tout à l'heure, à quel moment on enregistrait déjà? Ouais, en l'enregistrant. Ouais. D'accord. Ouais. Bah, tu l'as dit, je crois, deux fois. Au pire, tu l'as dit une troisième fois. Une troisième fois. Alors, parce que je m'étais posé la question... j'ai peur que le truc nous relance sur hyper longtemps. Bref, je suis toujours... Allez, on fait 10 minutes. Je trouve toujours ça délicat quand un artiste meurt, de voir comment sa mémoire est plus ou moins honorée. En l'occurrence, je trouve ça très, très correct d'avoir attendu 2 ans pour sortir le dernier titre que l'EMI avait enregistré, quand tu sais qu'en début de... Enfin, en septembre, ils ont sorti une compilation, soi-disant en hommage à l'EMI, de covers qu'il a pu réaliser tout au long de sa carrière, alors qu'il n'y avait rien de nouveau à se mettre sous la dent, que tout le monde connaissait déjà ces enregistrements. J'ai trouvé ça pathétique, moi. Bah voilà, mais et pareil, là a été annoncé aussi cette semaine un album live pour Linkin Park dédié à la mémoire de Chester Bennington, et je trouve ça aussi encore presque plus pathétique de sortir un live. Et donc je me suis posé la question et la réflexion de savoir comment est-ce qu'on pouvait honorer la mort d'un grand artiste pour faire quelque chose de correct, en fait. Pas forcément qu'il le transcende, mais de correct. Sachant en plus qu'aujourd'hui, on a perdu quand même l'idole de la France. Johnny Hallyday et Desayday. Ben après, qu'on aime pas Johnny Hallyday. Delta, Charlie Delta. Je pense qu'on peut pas cracher sur la carrière du mec, quoi. Je veux dire, on n'aura plus jamais... Moi, en fait, j'ai jamais craché sur Johnny Hallyday. Il m'a totalement laissé indifférent toute ma... vie. Voilà. Non, mais je veux dire, on n'aura plus jamais de quelqu'un d'aussi grand. Bon, il était pas si grand que ça. Hein. Non, mais bah, tu l'as vu avec cette allumette. Bah, attends, moi je fais 1m88. Ah, pardon, pote, excuse. Hein. Bah, si, on a déjà vu des gens aussi grands. Enfin, bref, voilà. Il... Ouais. On avait notre camarade. Richard bah, Richard est très grand, c'est vrai ce que tu dis. Et puis, on en avait pas parlé, mais on a perdu il y a quelques semaines aussi Malcolm Young. Même si personnellement, voilà. Autant je comprends que tout le monde ait été triste, autant quand quelqu'un arrive et qu'il est devenu dément, comme lui, je pense que c'est peut-être mieux le fait que ça s'arrête. Que ce soit pour lui ou pour tout le monde autour, en fait. Enfin, ouais. Maintenant qu'il allait refaire un super morceau avec son frère, je pense. Mais c'est toujours triste. Mes condoléances à toute la famille, à tous les gens qui sont fans, parce que je voudrais pas m'attirer les foudres des gens. Tu crois? Oui. Et le manque de respect de la mort. Non, non, non, je respecte. Imagine, mais c'est le retour qu'on aurait, quoi. Ça serait que ça. Vous êtes vraiment des enculés. Et vous tenez, vous moquez de la mort. Non, non, je me moque pas. Je me dis juste, voilà, il y a un moment donné, un peu comme Johnny Hallyday, là, il est arrivé à la fin. Enfin, voilà. Oui, il était ultra malade. Je pense que c'est aussi bien pour lui que ça s'arrête. Ah, oui. Et donc, je trouve ça toujours délicat quand quelque chose arrive. Par exemple, là, ce matin, dès 9h du matin sur TF1, il y avait une émission spéciale présentée par Jean-Pierre Pernaut. Et ça a duré toute la journée là-dessus. Toute la journée, et puis on va en bouffer pendant un mois. Quoi. Ok, faut rendre hommage. Ok, mais en fait, moi, ce qui me dégoûte là-dedans, c'est que tous les reportages sont prêts depuis longtemps, en fait. Tout ça est prêt, ils attendent juste le moment pour appuyer sur lecture. Ouais. Ça me débecte. Maintenant, ça, c'est les chaînes de télé, ils font ce qu'ils ont à faire, c'est pas mon problème. Par contre, comment on peut faire pour rendre hommage à un membre d'un groupe quand il vient de partir? Tu vois, j'ai toujours trouvé ça... compliqué de bien gérer. Alors je trouve que sortir un live, c'est pas une bonne idée. Ah oui, tu veux dire dans ce sens-là? Bah, ou quoi faire, quoi? Comment honorer la mémoire de... J'avais bien aimé... Bah moi, je pense que déjà, il faudra attendre. Oui? Pour dire un truc, ce truc-là est fait pour lui? Ouais. Alors si je vais prendre... Alors j'ai deux exemples que j'ai trouvé pas mal. Au décès du bassiste de Slipknot, sur scène, ils avaient laissé une basse posée. Tu vois? Ouais. Tu vois, je trouvais ça... ouais, une image, quoi. Voilà, pour dire, voilà, il est toujours là. Ça, c'était le premier point. Alors, Metallica, je sais qu'à la mort de Cliff Burton, ils avaient sorti une VHS en hommage avec des vidéos de l'époque, de machin, etc. Ouais. Mais en fait, le meilleur hommage que j'ai vu, il n'était pas direct. C'est-à-dire, ils ont sorti un livre, là, pour les 30 ans de Master of Puppets. Et en fait, le livre parle de l'album, mais quand tu lis le livre et que tu regardes toute l'histoire, c'est juste un hommage à Cliff. C'est juste ça, en fait. Ouais. Autant il y a l'histoire de l'album, mais en vrai, moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Je voulais lire un livre sur Master of Puppets et j'ai lu un livre hommage sur Cliff Burton et j'ai trouvé ça malin, intelligent et hyper respectueux. Bon, après, il y a la préface du père de Cliff et bon, ça, ils en parlent aussi beaucoup, mais je trouvais que c'était vraiment la plus belle manière de le montrer. Et c'est toujours, je trouve, compliqué, alors, et pour le groupe et pour les médias qui en parlent, mais d'honorer. Par exemple, tu vois, je pense que Lemmy aurait pu avoir sa statue même de son vivant au Hellfest. Le faire de cette manière-là, c'était très classe et très... tout à fait honorable. Hein. Et tout à fait, oui, parce qu'elle est vraiment... elle est vraiment... elle est vraiment classe, quoi, c'est tout, voilà. Pas tout est... Non, franchement, j'ai rien à dire là-dessus, quoi. Mais tu vois, du coup, je sais pas trop. Je me suis demandé la question, à quel moment... on restait dans le truc correct, à quel moment c'était encore un peu pour tirer... tu vois, si je reprends l'exemple du live de Linkin Park, j'avais dit la dernière fois, ils ont fait un concert hommage, ça je trouve ça stylé, ils ont fait venir des invités, machin, c'est cool, il y a plein de gens qui viennent reprendre des chansons, là ok. Sortir un live, je sais pas. C'est plus le côté. Tu vois, moi, c'est un truc que je regrette un peu, quoi, quand même, quoi. C'est à ce niveau-là. C'est. Je trouve. Il y a eu énormément d'hommages à Dimebag Darrell. Ouais. Moi, quand j'ai appris son décès, tu vois, ça m'a vraiment fait chier, quoi. Ouais. Ouais, bah, je l'ai appris le soir même, je crois, le lendemain, je sais plus trop. Et ça m'a vraiment fait chier parce que j'adorais Pantera, surtout à cette époque-là, c'était une grande époque. Et j'ai pas vu d'hommage. Mais il y a toujours des hommages, quoi, forcément, de fans, tout ça, qui vont sur la tombe. Tu veux dire de retour, enfin, de retour marqué. Ouais, voilà, ouais. Parce que ça restait quand même, bah, je sais pas, Dave McDarrell, quoi, c'était, voilà, quoi. Ouais, je suis d'accord avec un toi. Un putain de gratteux, un mec. Voilà quoi, qui était génial quoi, enfin ça se voyait quoi. Moi j'avais, à l'époque j'avais été plus marqué par la violence du truc en fait. Ouais, bah ouais, aussi ouais. Tu sais, c'est. En fait, c'est con, bah après ça fait écho un peu à ce qui est arrivé au Bataclan, le côté, bah. C'est juste des mecs qui viennent kiffer la musique et juste des mecs qui viennent. Enfin, les deux côtés en fait, il y a des mecs qui kiffent la musique. Ouais. Et. Ah bah apparemment le tueur de Dimebag, il lui aurait accusé d'avoir volé des chansons. Ah bon? Ouais. Ah, j'avais jamais entendu cette histoire. Ouais, apparemment, c'est ça, quoi. Le mec était à moitié psychotique et il avait. Il était schizophrène. En plus. Et apparemment, il accusait depuis des années aussi, quoi, déjà avant, quoi. Ah quand ouais? Pantera existait, parce que là, il a été tué avec Damage Plane. Ouais, ouais, avec il Damage Plane. Il a pas été tué ouais. avec Pantera. Non. Et il accusait, en fait, Pantera, tout d'abord, court, hein, ah ouais, d'avoir volé ses chansons à lui, quoi. Ah, parce que c'est lui qui avait écrit les chansons et que Pantera les volait, quoi. Et là, du coup, il avait déjà été voir Damage Plane avec. Enfin, ce mec-là avait déjà vu. Je crois que c'était Damage Plane qu'il avait déjà vu. Il a été la revoir une deuxième fois, et c'est ce jour-là qu'il est venu avec un flingue. Et du coup, voilà quoi. Donc. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'hommages de rendu à Dimebag pour ça, quoi. Parce que bon, ça restait quand même. Ouais, mais. En fait. Alors ça, je suis d'accord avec toi, mais du coup, comment faire pour que ce soit respectueux? Et bah, c'est ça. Moi j'ai pas du tout aimé l'album de reprise de Motorhead parce que je comprenais pas. Je ne comprends jamais ça, moi c'est toujours pareil. Ça me fait penser au truc qu'on a vu avec les Johnny quoi, avec tous les gamins qui reprennent. Enfin tu vois, les nouveaux artistes ah français, oui, ça, mais oui, vois, oui, ça me fait penser à ça, moi c'est, voilà quoi, je trouve ça pas utile, parce que c'est rien de tel qu'un morceau interprété par. Bah, l'artiste en lui-même, quoi. Ouais, non, ça, ouais. Je comprends ce que tu. Ça, je suis d'accord avec ce que tu veux dire, mais c'est vrai que. Je trouve ça très compliqué de. En fait, de voir. Par exemple, malgré tout, tu vois, le fait que Prophet of Rage reprenait un peu un morceau de. De Chris Cornell, en hommage. Enfin, pas vraiment un morceau, mais il faisait un truc qui était en rapport. Toi qui le fasses sur scène comme ça. Ouais. Bah, je trouve ça classe. Ouais, c'est... Bah, le meilleur, ouais, je pense que c'est le meilleur moyen de rendre hommage à un artiste, c'est de... C'est sur scène, enfin, je veux dire, un musicien, c'est sur scène, quoi. Après, voilà, ça dépend aussi de la notoriété de la personne, ça dépend de l'amour qu'on lui portait, et que, voilà. Et de la personne, parce que Lemmy était quand même quelqu'un de très gentil, apparemment, c'était une personne aimée et aimante, quoi. Mais c'est bien intentionné quoi. Mais tu vois, c'est pour ça vraiment que je trouve ça je veux dire, à un moment donné, il y a des gens qui aiment bien surfer sur Oh bah il y a toujours des profiteurs quoi. Il y a qu'à voir, moi ce qui m'avait le plus écœuré, je cite cet exemple parce que c'est un truc qui a quand même pas mal qui était pas mal présent sur internet, mais quand tu vois dès que quelqu'un meurt le nombre de sites de t-shirts qui arrête pas d'apparaître et tout, genre commandez votre t-shirt, mais putain, mais vous êtes. Mais là, sur les mis, il y en a encore plein, quoi. Bah, mais et sur Linkin Park, surtout, mais. Ah, bah moi, j'ai pas. Je like pas Linkin Park. Mais je l'ai pas non plus, hein. Ah ouais? Non. J'ai pas ça, ouais. Mais je sais même pas, mais les mecs, ils payent pour avoir leur pub qui sort, tout ça, enfin bref. Oh, j'ai dû liker un truc sur Motorhead. Alors, du coup, j'ai les boucles de ceinture, j'ai les pendules, j'ai. Non, mais c'est le produit officiel? Je crois pas, non. Ah, parce que j'allais dire. Non, c'est pas Motorhead, hein, c'est des trucs t-shirt.com ou je sais pas quoi, enfin tu vois, c'est. Des profiteurs, forcément. Après, on peut voir ça que comme ça. Toujours triste quand quelqu'un part. Bah, bien sûr. Est-ce que moi, un jour, je serai sur t-shirt.com? Bah, je sais pas. Si tu veux, moi, je le ferai, moi. Achetez votre t-shirt de Bob. Écoute, moi je le ferai si tu veux. Ah ouais, sur t-shirt.com. Moi, rien à voir, tu vois, mais... Pendule de Bob. Rien à voir, mais bon, comme on parle de transparence, ce matin on a fait venir des gens pour voir, pour chiffrer pour une porte d'entrée. Ouais. Et le mec il nous disait que, alors pas aujourd'hui, mais il en parlait parce que c'est vrai, qu'il y a quelqu'un qui lui avait déjà demandé s'il pouvait mettre la tête de Johnny sur sa porte. Le portrait en grand. Ah merde. Ouais. Et ils peuvent le faire. Et quand le mec il a vu le prix, il a fait. Donc toi, tu t'es dit. Oh non, je vais mettre juste un poster, il a dit. Parce que c'était très cher, très cher. Ouais. Voilà, mais on peut le faire. Cool. Ouais. Ah ouais. Ah mais on peut tout faire. Alors toi, tu dévoiles comme ça ta vie privée, quoi. J'ai besoin de changer de porte d'entrée. écoutez, on a tous des. C'est problèmes. Vrai que oui. Il serait temps. Il serait temps. Puis elle est dure à ouvrir ou fermer. Les deux, je crois. D'ailleurs. Mais les deux, ouais. Elle est un peu dure à fermer, un peu dure à ouvrir. Et puis bon, bah, ça, voilà. Mais bon, tout ça coûte de l'argent. Et comme nos sponsors, bah, nous donnent pas grand chose. Hein. Bah non. Une porte, ce serait sympa. Qu'est-ce que c'est une porte pour vous en plus ? C'est clair. C'est rien. On grave le nom dessus même, on s'en fout. Mais voilà. On n'est pas des. Tout à fait. Avec une fenêtre, avec un H. Tu sais, comme Hellfest. Classe. Ah, avec la lumière qui passe ? Bah bien sûr. Putain. Chez toi, t'as un petit reflet lumineux dans ton couloir. Oh, t'as un H quoi, oh. Sur le sol. Quoi. Bon, bah, le Hellfest. Le soleil passe comme ça, et t'as le H sur les murs. Tout ça. C'est classe, quoi. Faites des portes d'entrée, Hellfest. Bah ouais, mais je prends. Ouais. Ouais, une porte d'entrée, je prends. À la rigueur, ouais, rajoutez ça sur votre. Tu sais, entre les bandanas et les nounours. Mais oui, sur le merch. Une petite porte d'entrée. Une porte d'entrée. Ouais, vous faites une petite alliance avec Beplast ou Triba, un truc comme ça. Ouais, voilà. Non, alors, avec la poignée de porte en H. Oh, c'est stylé. Avec la clé. Mais t'es fou de leur donner autant d'idées. Bah, attends. Ah, c'est ça me fait plaisir. C'est cadeau. Moi, je suis un mec du partage, je suis un mec de l'amour. Tu vois. Et de la porte d'entrée. T'es un peu un mec du manque de bière aussi. Ouais. Non, il te reste ? Non, il me reste. Alors, comment était-elle ? Eh ben, elle était très bonne. Moi, je me sens pas de la prendre. Mais... Ah ouais ? Non, ouais, bah, je l'ai prise quand même. Bah voilà, du coup, ça fait 1h26. Alors, est-ce qu'on s'arrête sur cette partie peu glorieuse de notre vie ? Bah. Qu'est-ce que t'as prévu pour ce week-end, toi ? Qu'est-ce que j'ai prévu pour ce week-end ? Rien du tout, pour l'instant. Tiens, je me posais, est-ce que t'as un Noël à ton boulot ? C'est genre un truc. Ouais, à Raptor Park. Oh merde, c'est loin ! C'est où ça ? C'est à Granville. Ouais, mais du coup, j'y vais pas. Donc... Bon. Ah bon ? Pourquoi ? Ah bah non, parce qu'il faut s'inscrire. Mais... Et moi, je suis pas fan de la foule. Tout mais il n'y a pas un système de cadeaux pour les enfants ? Si. Et ça, tu les as quand même ? Ah bah non, faut que t'achètes le cadeau, tu ramènes. Tu préfères qu'ils aient pas de cadeau qu'y aller ? Bah, je préfère leur acheter le cadeau. Ah non, mais on sait pas. Moi, j'ai des chèques cadeaux moi. Ah bah alors, je t'explique, moi. À mon taf. Faut que j'aille acheter un cadeau à Leclerc. Oui, Leclerc, Carrefour, Champion, Intermarché. Champion ! Faut citer des marques ! Ah la vache ! Putain, bah oui, t'es vieux ! Scoop ! Non, comment c'était ? Ouais, non. Si, c'était ça. Cop ! Tiens, dans ta gueule. Années 80. Et, boum. Et donc, et ben, après, il ramène tous les cadeaux. Ouais, mais tu l'achètes toi ? Oui, t'es obligé. Tu l'achètes. T'es obligé. Non, tu l'achètes. Parce que t'as un fusil dans le dos. Achetez les cadeaux. Pourquoi t'as pris de voix allemande ? Je sais pas. Voilà. C'est hyper raciste envers tous les Allemands qui nous écoutent. Mais je vous aime, les Allemands. Plus que les Syriens. Non, plus que les djihadistes, ouais. Là, c'est bon. Parce que les Syriens, on n'a rien contre eux. Les Islandais. C'est vrai que c'est un peu des connards. non, alors, bon, attends, je termine. Faut que j'achète mon cadeau à Leclerc. Ouais, je le laisse à Leclerc. Hein ? Ouais, et il sera à la soirée du boulot. Et si j'y vais pas, j'ai pas de cadeau. C'est bien ça de faire une soirée dans le Leclerc. Non ! Ah non, tu fais pas une soirée dans le Leclerc. Non, ils le font au hall d'expo. Au hall d'expo ? Ah, là, d'accord. Bah, ouais, oui, on sera vraiment con. Bah, on sera 900 en même temps, c'est peut-être bien. Oh la vache, vous serez 900. Apparemment, ouais. Donc, et toi, t'aimes bien, toi ? Non, je déteste ça. T'es un mec de la foule. Oh putain, je suis tellement mal à l'aise dans tous ces trucs-là. Ah, bah voilà. Ah, c'est pour ça que j'y vais pas, moi. Oui, mais si j'y vais pas, y a pas de cadeau. Ils te sucrent le cadeau. Ah, mais je m'en fous, moi. Bah non, pas moi. Ah non, mais moi, je m'en fous. Je préfère pas de cadeau que d'aller me mélanger avec tous ces. Il y a de la bouffe. Ah ouais, par contre, là. Ouais. La bonne bouffe en plus. Hein. Ah ouais ? Ah, grave. Ah, vraiment, ouais. Ah, là, par contre, tu vois, ouais. Ah oui, non, mais tu vas... Ah oui. Ah, je vais aller porter un CV chez toi, moi, tiens. Ah, peut-être que tu vas bien bouffer, ouais. Puis après, c'est pareil. C'est combien les cadeaux chez vous ? Bah non, mais en fait, on est chez Kadok, donc moi, c'est 30 balles par gosse. Ah, bah nous aussi. Et j'ai 70 balles pour moi. Non, ça veut dire que je suis scandalisé. Et ouais, mec. Salopard. Et puis, t'as 75 semaines de vacances aussi. Mais... Et bah aussi, ouais. On n'est pas là pour parler. Les putains gogo. Oh, hé hey, oh, allez, donc. Des fois qu'il y a des gens qui écoutent. Des enfants. Moins de 18 ans. T'imagines? Donc, les putes, en fait, c'est des femmes qui travaillent tard le soir. Ah, on fait pédagogie aussi. Bon, bah voilà, je pense que du coup, on peut arrêter là. Oui. 1h29. Et 52 30. Secondes. Alors, pff, on s'excuse? Non. Non. Tu vois, j'assume totalement. D'accord. Alors, on a été peut-être un peu sérieux dans cet épisode à un moment. Un peu trop, ouais, c'est de la merde. Ouais. Ouais, on déconnera la semaine prochaine, c'est pas grave. Ouais, parce qu'on aura des trucs à dire. On sera moins fatigué. Alors, déjà, et puis on prendra pas des bières fortes comme ça. Non, on prendra de la... De l'eau. Ouais, de l'eau à sirop de menthe. Attends, de l'eau à combien de pourcents? Ah, à 100% recyclable. C'est blanc. Non, bah voilà. En tout cas, nous, on essaye d'être réguliers. Donc, et Nico, merci d'avoir remarqué. C'est vrai. Parce que d'ailleurs, vous l'êtes pas trop en ce moment, l'entrepode là. Ouais, c'est vrai ça. Hein? Ouais, puis t'aurais dû écouter 1h30 de ça avant de l'entendre. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter l'entrepode. Je saurais pas trop comment le définir par contre, donc je vais laisser Bob le faire. Enfoiré. Oh, le sale con. Mais c'est pas moi qui me suis lancé là-dedans. C'est toi qui t'en parles. Je bois de l'eau. Bah, moi pareil. L'entrepode, non, mais je pense que c'est il parle de la culture en général, tout simplement. C'est déjà beaucoup mieux que nous. Bah, largement. Ah, hey, putain, j'ai vu un bon film cette semaine. Ah ouais. Ouais. Baby Driver. Baby Driver, hein. Ouais. Arrête. C'est un mec, il écoute de la musique tout le temps et il conduit en fait pour des braquages. Et en fait, tout le film il est rythmé sur la musique. Ah ouais. C'est hyper stylé. D'accord. Ouais. Bon, alors, l'histoire, elle casse pas trois pattes à un canard. C'est un mec, c'est une série de braquages, et il enchaîne des braquages et tout, il se passe des trucs. Ouais. Mais le fait que ça soit la musique qui gère le truc, c'est vachement bien. D'accord. Moi, je vous le conseille. Et j'ai vu Get Out. Alors ? Ouais, pas mal. Tu l'as regardé suite à ce que je t'ai dit ? On en a ouais, parlé ? Ouais. Ah. Bah oui, on en avait parlé. Je l'ai vu 2 jours après que tu nous en as parlé. Et t'as vu, en fait, j'avais dit la critique, le problème, c'est que je suis pas un noir afro-américain, ce qui fait que du coup je suis moins touché que... Parce qu'en fait, t'es beaucoup... Enfin, ouais, mais je pense que tu t'arrives à ressentir quand même... Ouais, non, mais quoi. Tu ressens complètement des trucs, mais c'est vrai qu'il est complètement orienté politiquement de ce côté-là, quoi. Ah bah oui, et puis même dans la critique, hein. Ah. Sur le truc, quand on l'a loué, c'était dans la critique directe. Hein. Sur fond de racisme. Ouais, mais le film est bien fait, quand même. Ah ouais, ouais. Puis même, je trouve le scénario original, quoi. Ouais, parce qu'en plus... Sur l'hypnose et tout, c'est... Exactement. C'est bien branlé, quoi. C'est vachement bien fait, et puis tu t'attends pas forcément... Tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose, et tu te dis, ça va arriver. Ouais. Et jusqu'au bout, en plus, tu dis, il va se faire baiser. Genre, quand la voiture de flic, elle arrive à la fin... Ah bah ouais. Et si tu vois, on spoil pas. Voilà. Oh, ah, j'ai pas dit. Bah, t'as quand même dit que c'était son pote, le mec non. De la sécurité. Tu vois. J'ai dit qu'il mangeait de la compote. Tu viens de spoiler Get Out. Ah bah, tu couperas. Le salaud. Ah non, je couperai rien. J'en ai rien à foutre. Tu marqueras sur le podcast. Attention, spoiler. Spoiler de Get Out. Ah, et par contre, le moment où il désingue toute la famille, ah, c'est énorme. Bah, bouti. Quoi? Bah, c'est encore pire, toi. De quoi? Bah, c'est encore pire ce que tu viens de dire. Ah, je sais pas. Moi, je suis content quand il les tue tous un par un. Vraiment, j'ai kiffé. C'est clair. Non, le très très bon film de. Bah, du coup. Qui casse la tasse. La tasse. Bah, quand il casse la tasse. Là, tu vois le truc faire, tu dis. Putain, ah, oui, pète la tasse, pète la tasse. Oui, non. Non, c'est vrai que jusqu'au bout, à la fin. Moi, à la fin, je me suis dit, quand la voiture elle arrive de police, putain, c'est les flics ouais. Sont avec eux, il est baisé. Ouais. Et non ! Parce qu'il est noir. Exactement, parce qu'il est noir. Et non, en fait. C'est son pote. Son pote de la sécu. Ouais. Et d'ailleurs, bien celui fait, qui croyait pas. Et d'ailleurs, bien fait le passage où il est en train d'expliquer à des flics noirs ce qui se passe. Et, ouais, et qui se marre. Ouais, il y a un flic blanc, il y a un flic noir, il y a un flic hispanique, je crois. Ouais. Donc, non, du coup, ça marche bien. Puis le film est très bien joué, je trouve, en plus. Ouais, c'est pas mal. Hein. J'ai bien aimé. Par contre, j'ai vu Valérian. Ouais, non. Tu l'as vu? Non. Aïe. Non, j'ai pas envie de le voir. Mais je crois que j'ai un peu laissé tomber, moi, Besson, hein, franchement. Non, je pense que lui-même s'est laissé depuis tomber. Depuis Subway. Parce qu'ils font des bons sandwichs, apparemment. Tu veux prendre des plateaux? Des plateaux, ouais. Avec des morceaux de sandwich. Avec des sprites? Ah, oui, ou Fanta. Oui, les deux. Ah, cool. Non, mais en fait, tu peux commander l'équivalent. En fait, genre, imagine, t'as du monde. Oui, bonjour, vous êtes venu. Tu peux prendre un plateau de Subway. En fait, c'est comme s'il prenait un sandwich, qu'il coupait en petits morceaux et tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ah, ouais. Ça fait genre apéro dînatoire. Oui, oh, j'ai vu Get Out. Oh, oui. Cool. Ouais. Bon, à savoir. Mais je l'ai déjà fait, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Bon, c'est pareil, ça casse pas trois pattes à un canard. Bah, ça dépend, est-ce que t'aimes bien Subway déjà? J'y suis jamais y été. Ah, mais merde, mais pourquoi tu me dis pas des trucs mais comme ça? Mais c'est parce qu'en fait, Tété, il me le réclame depuis des années. Ah bon? Il me dit, ouais, ce serait bien qu'on y va et tout. Je dis, oui, mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on se déplace. Et du coup, on est 6. Ah, tu sais pas qu'il faut remporter? Bah, je vais pas me prendre la tête, moi, tu crois, il faut choisir. Tu crois, je vais demander à tout le monde, ouais, bah, choisissez votre petit truc et puis on en reparlera dans deux jours. Hein? Parce que j'ai autre chose à faire, peut-être. Tu notes que je t'ai laissé aller, mais au bout d'un moment, je vais en... Non, non, mais déjà, quand on choisit l'autre avec c'est super compliqué. Alors, McDo ouais. Ah, d'accord. T'es plus McDo ou Quick? Franchement, McDo, ils sont bien baisés la gueule. Quand même. Et Burger King, t'as goûté ou pas? Ah, Burger King. Ah, j'en ai mangé à Amsterdam. Oui, mais récemment. Récemment, non. Parce qu'il y en a à Caen maintenant. Ouais, à Cherbourg. Ouais, enfin, je vais rarement à Cherbourg. C'est-à-dire que la dernière fois j'y suis été, c'était à Tours-la-Ville en plus. Ouf. Voilà, c'était. Ouais, quand Tours-la-Ville existait. Ah ouais, ouais, non, ça remonte déjà. Ouais, donc ça remonte bah, quasiment 1467. C'était en noir et blanc à l'époque. Bah non, même pas, y avait pas, ça existait pas. Caméra, tout ça. Je suis 1467, j'étais en guenille. Bon, allez! 1h35, on a assez dit de la merde. Il faut que quelqu'un c'est soit bon, responsable. C'est vrai, c'est qu'on arrive à faire de la merde. Putain, il est 4h du mat, quoi, ça. Ouais, mais ça passe vite quand on se rend. J'ai des frissons, je claque des dents, je manque le son. Non, c'est 5h du mat. Ok, bah, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Nous, bah, ça a été... Je crois pas, hein. Là, t'as des doutes? J'ai des gros doutes, quand même. On avait dit qu'on tentait en même temps. Bon, on l'a tenté. Et on l'a fait. Félicitations. Sur le mérite nous revient. Oh bah là, on a été au bout du truc, mais... Et puis, bah, comme dirait mon acolyte... C'est ça? C'est à peu près ça. À peu près ça. Bon, en tout cas, une bonne soirée à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine avec des nouvelles fraîches. Le Hellfest, déconnez pas, 13h13. Sinon, on est dans la s'il merde. Vous plaît. Et bah, Bob, je te laisse le mot de la fin. Non, mais dis le vrai. Putain. Ah, code orange. Non. Non, c'est pas ça. Bodycourt. Pourquoi t'as marqué Bodycourt? Pourquoi tu marques ces trucs-là? C'est quoi Bodycourt. C'est du running, peut-être, je sais pas. C'est tout... Mais non, mais pourquoi t'as marqué code orange? En plus, tu remarqueras que j'ai pas mis de E à orange. C'est pas grave, faut, on n'accorde pas. Ça s'accorde pas? Non. Ah merde. Pourtant, il y a. Ouais. Complément, COD. Oh, bon, on s'en fout. Je t'en prie. Oui. Et bonsoir. Non. Bonsoir à tous. Joe, si t'as été jusque-là, tu t'es pas endormi ou que. Pas couper les... Ah, il est en train de donner un biberon et il s'endort devant notre père. Ouais, c'est ça. Bah, si tu te réveilles, excuse-moi de te réveiller. Excuse-nous, mais voilà. Voilà. La sieste fut bonne. Ça fait plaisir. Et donc, comme... oui, donc, c'est... on vous emmerde. Et on vous aime. Ah, oh, mais c'est bien quand on le fait à deux. Ouais, aussi. C'est pas mal. Ouais, je trouve ça pas mal. À la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, tu feras la première partie. D'accord. Je fais la deuxième partie. Ça, bah, je m'en souviendrai pas, mais d'accord. Mais ouais, bon, on s'en rappellera. Très très bien. Bonne fin d'épisode à tous. Parce que nous, on va aller boire de l'eau. Ouais. Et à la semaine prochaine. Ouais, je pense, ouais. Ouais, j'espère quand même, ouais. Ouais. Allez. Normalement, on aura quand même le plus gros. Je repleure. Il est sensible, cet homme-là. À bientôt. Salut. Faut dire quelque chose. Poutre. Chenille. Ah. Oh. C'est de la ASMR. Ah. C'est de l'anti-pop. I am anti-pop. C'est du Primus. Ah, Tiro Toto, tiens. Il y a une vraie chanson comme ça. Oui. Anti-pop. I am anti-pop. Mais c'est même le nom d'un album. Ouais, c'est... Oui, c'est anti-pop. Il a fait une chanson. Oui. Toi, tu me dis ça, genre, c'est naturel, mais non, on fait pas de chanson sur l'anti-pop. Mais si. Eh ben, tu écouteras, je te passerai l'album. Ça te donnera une bonne raison de découvrir l'album. N'est-il point ? Oh ben, je vais traduire les paroles, mais bon, parce que je comprends. Oh ben, ils font des chansons sur les poissons, sur les pêcheurs. Et faut arrêter, allez, allez, allez, allez, allez, c'est bon, là. Allez, je te passe du blanc. Du blanc ? Ah bah ben, t'avais qu'à couper. Je peux pas couper. Pourquoi ? Parce qu'après, je mets un fondu sortant. Et donc. Ah, pardon. Bon, je vais pisser. Bonsoir. Salut. Hey, qu'est-ce que tu fais ? Bon, allez, c'est tout pour cette semaine. Et à la semaine prochaine. On est régulier quand même. Pff, on est tellement fort. Ça fait une 40 fois. Arrêtez-vous. Ah. Une 40. Ah, quand même. Oh. Alors, à la limite, le FS, gardez une semaine de plus, on va trouver un truc à dire. Oui, voilà, ouais. On arrive à tenir une 40 avec rien du tout. Allez, ouais, salut. Il y a un moment, c'est comme les albums, moi, tu sais, c'est pareil, je me serais bien arrêté, tu vois. Je m'auto-arrête. Oh, ta gueule, c'est bon. Je me saoule. Bonsoir.